Le débat des hauts. Ça, c'est Radio Gémozo. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à nouveau pour notre rendez-vous mensuel ensemble pour le débat des hauts. Alors on va déjà clarifier pour nos amis collègues de Radio Gémozo, c'est le débat des hauts, pas le débat où voilà, c'est le débat de la montagne, le débat des hautes montagnes, c'est le débat des hauts, voilà. Attends, non. je ne t'avais pas. Ah bah voilà, je disais le... Voilà, on commence. Qu'allais-je dire ? Le débat de la montée intellectuelle, peut-être les envolées ? Voilà, les envolées lyriques de PJ ce soir avec nous. Bon, on va tenter, on va tenter. On va tenter. Voilà, on a aussi Julien, comme la dernière fois avec nous. À nouveau. Coucou. Coucou. Ouais. C'était déjà ça, la semaine. C'est une belle signature. du coup, ce soir, on est ensemble pendant 2 heures à nouveau pour discuter. Divaguer peut-être. Divaguer, oui. Ouais, c'est, voilà, on va essayer en tout cas. Et puis là, je suis de nouveau un peu faiblard, donc je remonte un peu le niveau. Voilà, là, c'est pas mal. Et du coup, ce soir, le thème de la soirée, c'est la politique. Mais la politique dans tous ses états et surtout dans tous ses âges, dans toutes ses époques, dans toutes ses fondamentales, hein, ses fondamentaux. C'est quoi ? Ça vient d'où ? Ça vient de l'homme, ça vient de la nature, ça vient des chiens, je ne sais pas, ça vient de qui ? On va déjà passer une petite demi-heure à parler de ça, dans le fondement de la chose, on va dire, à PJ déjà de prendre la parole. T'es inspiré ce soir, je crois. Oui, bah oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure en antenne. Qu'allais-je dire ? C'est vrai que la notion de politique, sans parler de politique telle que le système aujourd'hui le définit, c'est comment l'être humain est arrivé à avoir un besoin de politique pour permettre de gérer sa vie, voilà. Comment on a pu en arriver à cette logique de dire, il faudrait demander à certaines personnes parmi nous de nous gérer et de nous organiser. Est-ce qu'on n'était pas capable de le faire tous en commun, ou est-ce qu'il fallait vraiment définir d'avoir des gens spécialisés là-dedans ? Voilà, c'est toutes ces petites questions qu'on peut se poser, ça peut être intéressant justement. Le but est de permettre d'avoir un débat, une intelligence dans ce que ça peut être, sans parti pris, sans idéaux, sans capitaux à défendre, mais juste avoir une idée et retracer ce que c'est dans l'histoire. Alors, ce soir, on ne va pas parler de loi asile, on ne va pas parler de Macron. Hein, interdiction, monsieur Julien D, interdiction de dire Macron, de dire gauche, droite, de dire Marine Le Pen, de dire Aquarius, Trump, CGT, grève, d'autres termes vous viennent à l'esprit, mais en tout cas, on va les dire maintenant comme ça, ça sera la seule et unique fois qu'on va le dire pendant 2 heures. Donc on n'a pas le droit de parler ce soir de sujets contemporains, ou polémiques, actuels, mais ça va nous reposer les oreilles, je t'en félicite, voilà. C'est Julien. Une douche auditive qui va nous éviter justement de faire une discrétion, enfin, de faire ce qu'on ne veut pas faire. Voilà, on veut parler ce soir de politique, mais pas dans l'idée de la politique des journaux, des médias. Autres le feront mieux que nous. Je ouais, pense, hein, c'est leur boulot. Voilà, c'est clair. Hein. C'est clair. Julien. De transformer un fait politique ou une idée. Oui, bah, de toute façon, c'est l'esprit de la radio. Hein. On parle de ce que les autres ne parlent pas. Voilà, exactement. Faire un peu de contenu. Ouais. Bon. Sur ce, pour toi, Julien, comment t'entamerais le sujet de la définition fondamentale de ce qu'est une politique, enfin la politique au niveau sociétal, ou je sais même pas, je te laisse la parole. Je sais pas, moi je dirais que la politique c'est une stratégie de gestion d'une société ou d'autres choses d'ailleurs, mais c'est ça. Alors de quoi ça aurait pu venir ? Tu penses qu'un jour l'être humain, alors je sais pas, se replace l'être humain, c'est comme la poule l'œuf, ça. C'est qui l'homme ou de la politique ? Ah ouais, non, bah attends, j'ai pas envie de pile poulet non plus, hein, ça va pas être non plus, voilà, la racine carrée de l'œuf. Enfin voilà, on peut aller très loin. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Je pense que c'est une science. Voilà. Est-ce que c'est une science déjà ? Est-ce que c'est une science ? Je pense que la manière de faire de la politique, ça s'étudie. On a des grandes écoles en France pour le faire. Voilà. Les sciences politiques. Voilà, ouais. Donc par définition, c'est une science. Après, il faut distinguer la politique en tant que telle, qui est le fait de définir que certaines personnes créent une manière d'organiser une société, et puis le fait politique qui est autre chose. Voilà. Là, ce que je veux en venir, c'est pourquoi, d'un seul coup, dans l'humanité, on a eu le besoin de dire... Est-ce que c'était d'un seul coup, ou est-ce que c'est venu doucement? Justement, c'est une bonne question. Si on prend l'industrialisation, bon, ça a mis juste 10 000 ans. Hein, on est parti des cailloux, et puis à la fin, aujourd'hui, on a des moteurs électriques. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, là, autour de la pizza, des animaux. Je parlais des animaux. Est-ce que au sein du règne animal, comme on dit, est-ce qu'il y a déjà des faits politiques ou quelque chose explicable par la politique en tant que telle qui est similaire à la nôtre? Des coups d'État de fourmis, ça arrive. C'est possible. Ça n'a pas été prouvé, mais c'est possible. Oui, voilà, il y a des animaux, on sait qu'ils ont une organisation sociale qui ressemble à une gestion politique. Les loups, les lions, le loup alpha de la meute qui se fait virer par le jeune un peu vaillant. Ouais. C'est un peu différent. C'est un début. On est plutôt dans du règne. Mais si on prend les fourmis, les abeilles, les rats, c'est des sociétés très, très, très structurées. Donc la politique, c'est la structuration de la société? Je pense qu'on peut en arriver à cette... ça, c'est déjà un premier sens à donner, que le fait que la politique, c'est une structuration de la société. Ça répond bien, parce que si on n'avait pas la politique... Une stratégie ou juste une organisation? Parce que les fourmis ne sont pas spécialement stratégiques, si? Une stratégie, ça implique d'avoir une vision à long terme. Ouais, la fourmi... Voilà, on va résumer. Après, peut-être que le temps fourmi n'est pas le nôtre. L'intelligence collective, comme on dit. Non, mais on fait peut-être l'erreur de penser que la fourmi a un temps de vie. Elle ne vit pas aussi longtemps que nous. Donc, à leur échelle, quelque chose qui se passe dans une heure est peut-être une stratégie. Je parlais d'organisation des fourmis. Après, est-ce qu'il y a de la politique? Voilà, c'est un début. C'est une sorte de commencement d'une stratégie, d'une organisation. Voilà. Après, je pense que pour l'homme, pour l'être humain, ce n'est pas venu du jour au lendemain. Ça a commencé dans des petites cités, dans des petites tribus. Mmh. À un moment donné, il fallait s'organiser. Alors, il y a un chef un peu plus fort que les autres qui s'est imposé. Et puis voilà, c'était le début. Oui, mais dès le début. Moi, je te parle de... prends les hommes des cavernes. Il y avait forcément déjà une organisation. Qu'est-ce qui a pu dominer? C'est ça la science du dominant sur le dominé. Où est-ce que au début, ce n'était peut-être pas juste un moyen de survie? Est-ce que c'était pas juste un moyen adaptatif en disant parce qu'on a suivi la personne la plus forte et qui avait les meilleures idées, on a survécu, alors que si on avait suivi l'idiot du village, on ne s'aurait pas vécu. À la Koh-Lanta. Ouais, grosso modo, une sélection naturelle qui s'est faite. Et en voyant les résultats, les gens se sont dit cette personne-là a des qualités qui font qu'elle est plus un leader et donc on va la suivre. Et je pense qu'au début, la politique est partie comme ça. J'avais vu une étude intéressante qui expliquait si on prend un groupe de 100 personnes, il va naturellement y avoir des meneurs qui vont se créer et des suiveurs. Tout à fait. Et si on prend que les meneurs, on les met ensemble, et dans ce groupe de meneurs, il y aura des meneurs qui après être des suiveurs. Et si on prend le groupe de suiveurs, et dans ce groupe de suiveurs, il y aura des meneurs qui vont se créer. Tout à fait. Et donc, parce que l'homme s'organise un petit peu. Il y a une nature humaine là-dedans, je pense. Il y a une nature qui est très certainement un fondement animal au départ. On l'a déjà dit, on vient de le dire, chez les fourmis et compagnie, chez les abeilles et compagnie. Mais l'être humain, si je regarde par exemple nos cousins proches, les gorilles, il y a un système politique. Il y a un respect, il y a des cadeaux qui sont faits entre les membres, ne serait-ce que par les cadeaux. C'est-à-dire que les gorilles, par exemple, ont pour habitude, par rapport au gorille qui va être le plus âgé, de venir apporter des offrandes ou des choses comme ça. J'en reviens au loup, c'est exactement pareil. C'est des prémices de politique, mais c'est ce qu'on a comme idée qu'on intègre nous dans notre langage, comme la royauté ou comme la régence. Le loup alpha, le chef de meute, se nourrit en premier, il laisse ensuite... Mais dans ce cas-là, c'est un gain qui est lié à l'autorité. C'est-à-dire que le fait de dire tu prends des risques pour diriger entre guillemets la harde te donne un avantage, et là on touche à la notion de gageur et de gain. C'est vrai que la politique est quelque chose qui tourne autour de la notion de gain, systématiquement de gain pour la société ou de gain pour l'individu, de gain sur le partage, de répartition différente du partage. La politique, c'est l'outil qui permet aussi, faut pas se voiler, d'aller répartir différemment le bien d'une politique à l'autre. Suivant le choix politique que l'on fait, on répartit différemment les richesses. Après, est-ce que le propre de l'homme dans tout ça, ça serait pas justement de remettre en cause... L'être humain est un fondeur. De remettre en cause l'ordre établi naturellement. On n'a jamais vu quelques loups comploter sur le loup alpha, s'organiser... Alors si, Si, justement, là, c'est un contre-exemple, parce que on sait très bien que dans les sociétés animales, ça va être les vecteurs de force, de puissance, de bravitude, de fait de garantir la survie de la meute, d'être capable d'avoir une belle reproduction, une belle descendance, qui vont faire qu'on va garder son statut social. L'être humain a calqué ça, hein, faut pas se voiler. On regarde les premiers empires romains, ça a été construit vraiment dans cette optique-là. C'est l'idée du patriarcat, l'idée des régences, l'idée des c'était des écoles. Père en fils déjà à l'époque-là, ou c'est arrivé après avec les grandes monarchies? Je pense que ça a commencé comme ça. Ouais. Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que les gens les plus braves, les plus costauds, les plus méritants en guerre, voilà, qui survivaient, qui avaient les enfants les plus forts, qui avaient peut-être plus de force, après, plus de charisme. C'est géographique parce que l'Égypte, à la même époque, c'était pas du tout comme ça. C'était déjà de l'Égypte. L'Égypte, c'est différent parce que c'est un système politique qui s'est créé à partir d'une religion. Et c'est-à-dire là où on peut en parler. Divin. Peut-être que la religion est une forme de politique. C'est même très certain. C'est-à-dire qu'avant la politique moderne, ce qui dirigeait le monde, c'était la religion. On n'avait pas les lois, on avait la Bible. Il y avait des lois religieuses. Oui, des lois religieuses. Et les lois religieuses sont une très grande manière, en fait, un absolutisme absolu. Mais vraiment absolu. C'est-à-dire qu'il est non remis en cause et il y a. Voilà, on suit des paroles et des guides desquels on peut déborder. Donc voilà, c'était un prémisse pour moi à la politique. Donc il y a quand même donc une... Enfin, dans la naissance de la politique, parce que le but ultime de notre conversation, on est d'accord que ça va être d'arriver sur la politique moderne et de voilà. Hein. Mais donc les prémices et la naissance, il y a quand même des pôles géographiques caractéristiques. Hein. Ben, je pense que ça a paru. Les pays latins ont eu leur façon. On parle beaucoup des Grecs, des cités grecques qui étaient organisées avec un collège de sages, etc. Pour décider, etc. Après, voilà, c'est aussi parce qu'ils étaient navigateurs et que donc du coup, ils savaient qu'il y aurait des grandes distances entre leur pays géographique et leur comptoir. On parle des Grecs, on parle des Italiens, on parle des Crétois qui ont envahi toute la Méditerranée, tous ces formés autour, et qui donc ont dû trouver un système de gestion qui permette d'avoir localement un chef et un décideur qui applique des ordres d'un autre décideur pour organiser, à l'époque ce qui les intéressait principalement, c'était le commerce. C'est-à-dire c'était cette idée de passer des biens d'un endroit à l'autre de manière hiérarchique en ayant un minimum de pertes. C'est là-bas qu'on a créé la spécificité du métier. Les hommes politiques, ça a été créé là-bas. Ah bah, ils y ont pensé. Il y a des gars qui étaient spécialisés dans l'art, dans les agora. Voilà, exactement. Tout ce qui était oratoire, tout ce qui était agora, tout ce qui était tout ce qui était forum. Voilà, c'était cette habitude de prendre les gens, de regrouper les idées, d'être capable d'en sortir l'essence pour dire prendre une décision qui convienne à une majorité. C'est un sujet qui peut nous amener loin, très loin. Est-ce qu'on se ferait pas tout de suite un petit break ou... Oh, un tout petit break, comme ça nous permet déjà de tisser la de toile replacer. De la suite. Hein qu'est-ce qu'on s'écoute? On va s'écouter ça, on essaye. Hein. Une petite tentative pour ce soir, on en reparle après si ça vous plaît pas. Allez, à tout à l'heure. Can do about it. You know I need love. Set me free, I know you. Ouais, allez, c'était je ne sais qui. Alors malheureusement, j'ai pas noté les titres. Je suis désolé. Bon, la prochaine fois, on fera ça mieux, hein. Hein, Julien, tu m'aideras, on notera les titres sur une feuille. En gros, faudra que je fasse ton boulot, quoi. Bah, ouais, oui. Alors, on en était où ? On en était au fondement de la politique, mm-hmm. avec PJ et Julien. Donc, on était à essayer de dresser une carte historique, parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même très ancré dans des... Enfin, au niveau de l'histoire qu'on a tous appris au collège, les différentes civilisations. Voilà, la politique, pour moi, égale civilisation. Mm-hmm. Donc la civilisation, on va dire, égyptienne, grecque, latine, romaine, aztèque, chacune avait ses spécificités, mais chacune était déjà politique. Voilà, chacune a créé en fait derrière une approche qui a permis en fait de créer des systèmes politiques de gestion pour en arriver à la version moderne que nous en avons. Vous vous faites passer quoi comme papier ? Une documentation justement qui en parlait justement, oui, la Mésopotamie dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai, il y a eu énormément de choses dans l'actuel Irak et Syrie et Iran qui ont été des berceaux pour tout ce qui a été pensée philosophique et pensée politique de gestion et qui ont été beaucoup détruites là ces derniers temps. C'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas encore tout étudié là-bas et qui seraient des systèmes de gestion politique qui nous font remonter à 5-6 000 ans en arrière, donc c'est pas rien. Avec des systèmes peut-être pas tant démocratiques, mais en tout cas où tout le monde avait à peu près une place. C'est-à-dire qu'à l'époque, le but, faut pas l'oublier, lors de la création des cités, ça a été principalement de donner une place à tout le monde, de manière à ce que, quand on regroupe des gens dans des villes et que les gens sortent du milieu agricole, puisqu'avant c'était ça, il fallait que les gens ne soient pas oisifs, que les gens aient une utilité dans la ville qui était créée. Et la politique, ça a été aussi créé à ça, c'était s'assurer qu'il n'y ait pas de gens oisifs. Que chacun ait une place et un but pour faire fonctionner, voilà. Et donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est aussi ce qui a dû aider à forger cette idée de la politique moderne, de donner une place aux gens. Donc chacun trouve sa place dans la société, chacun a un rôle, chacun est un rouage, et ça c'est administré par la politique. Ouais, moi je pense. C'est administré ou c'est réglementé ? C'est quoi le terme ? Ou c'est gouverné ? Ou c'est quoi le terme qui va définir justement ce ? Est-ce qu'il y a une idée de les administrer, gouverner, manager, stratégie de gestion, tout ça, c'est pas un peu synonyme ? Mais je sais pas. C'est pas exactement la même chose, mais on est dans la même tendance. C'est-à-dire qu'il y a maintenant tellement de choses dans ce mot qui est le mot politique, qui sert un peu de mot couteau, de mot outil, que du coup on est obligé, pour chaque spécialité aujourd'hui, de les distinguer du fait politique. Mais oui, c'est à peu près sûr. La notion managériale, la notion stratégique à long terme, les plans d'aménagement, tout. Oui, je pense qu'il y a X faits dans le mot politique. Le mot politique est un mot manteau qui permet de mettre beaucoup de choses. Et après, il y a beaucoup de contenus qui sont parfois d'ailleurs très éloignés du sens même de politique. Donc il y a beaucoup de confusion. Ouais. Il y a beaucoup de confusion. D'un côté, on a la planification même de la vie en collectif. Et de l'autre, il y a le match politique. Le match politique qui fait que chacun essaye de prendre le pouvoir. Enfin, dans une société où tout est possible, on va dire que nous, alors voilà, on va peut-être se rapprocher des civilisations modernes où le pouvoir peut changer de main. Parce que c'est aussi ça la donnée importante, c'est... Le pouvoir peut être retourné, c'est-à-dire qu'il y a des élections qui arrivent... Mais là, on parle plutôt de démocratie, éventuellement. Parce qu'avant, la démocratie, autre chose. Sans ça, sans la démocratie, le pouvoir peut être retourné, mais... Il y a les coups d'État, il y a... Maintenant, c'est un phénomène, c'est une partie de la politique. C'est-à-dire que la politique, elle est menée par des hommes. La politique des êtres humains est menée par des êtres humains. Et elle peut changer. C'est peut-être la différence avec les fourmis ou les abeilles... Où l'abeille, c'est toujours la reine qui gouverne. Il y a la reine, elle est choisie par la nourriture que là, quand elle est en cocon, en larve. Donc, elle a un avantage entre guillemets. C'est relativement, on va dire, de naissance. Alors la reine gouverne, mais que fait le roi ? Ah, c'est très humain en fait. On a toujours une représentation très masculine. Mais voilà, parce que pour nous, inconsciemment, c'est l'homme qui va. Mais ça, c'est très judéo-chrétien. Ouais. C'est que quand on regarde tous les textes qui sont tirés des différentes Bibles, des différents écrits, c'est aussi du religieux. À chaque fois, il y a la notion d'Adam et Ève. Ah oui. Donc voilà, quels que soient les textes. Et donc à partir de là, pour l'humain, c'est toujours le côté bipartite. S'il y a un roi, il y a une reine. Bah, Pas toujours. Ça dépend des sociétés. Nous, notre société occidentale, dont c'est très imprégné de ça. C'est très imprégné de ça. Il y a quand même pas mal d'exceptions qui ne sont pas forcément exceptionnelles. Pour en revenir, juste une petite aparté, on parlait donc du Mésopotamie. C'est 6500 ans avant J.C., donc Jules César, finalement. Donc 8500 ans avant aujourd'hui, donc ça montre que ce n'est pas tout nouveau. Pour revenir aux femmes, personnalités politiques, on en connaît des très anciennes. La plus connue, c'est comme Cléopâtre. Et c'est pas quand même très récent. Seulement là, on était dans le divin, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Égypte. Ah, on était dans la monarchie. Alors l'Égypte, clairement, c'est particulier, c'est dans le divin parce que il se nomme en tant que fils du soleil, fils de Ra, et donc dans toute la théologie égyptienne de cette époque-là, le grand empire, le moyen empire, l'idée c'était que c'était des descendants directs du soleil. Voilà, pour eux, tout est lié aux astres, et donc ils sont des représentants terriens des décisions qu'il peut y avoir de là-haut. Voilà. Donc c'est très même avant pour nous le féodal, c'est un état où il y a, comment je pourrais dire, c'est des dieux vivants, voilà. Pour l'Égypte, c'est ça. Leur pharaon, c'était des dieux vivants. Tout à fait, mais il n'y avait pas de plutôt homme ou plutôt femme. C'était soit homme, soit femme, en fait. Ouais. C'était pas du tout. Il n'y avait pas de clivage comme on peut avoir dans notre société. Il n'y avait pas les sources judéo-chrétiennes. C'était en gros. Non, voilà, tout à fait. C'est un système différent. Et c'est assez judéo-chrétien, ce clivage homme-femme. Ah oui, c'est clair. Qu'on trouve. Vraiment dans l'Occident, mais en dehors de l'Occident, on le trouve d'autres fois, mais pas partout. Alors, après, tu peux prendre l'exemple du Japon, où par exemple, au Japon, par contre, ils ont toujours eu cette culture à avoir hommes et femmes. Même si les hommes étaient la bravoure, la force, la femme avait quand même une place. On revient un peu plus proche de nous, on passe la mer du Japon, on arrive en Chine, Confucius, qui raconte dans ses historiques que voilà, il y avait une place pour la femme, une place pour l'homme, et qu'on pouvait parfaitement être dirigé par une femme. Donc voilà, c'est vrai que dans tous les systèmes politiques qui ont pu se monter au fur et à mesure, puisque là on est encore entre les deux, dans ces constitutions de vie sociétale, il y a toujours eu dire qui dirigeait qui, mais c'était pas obligatoirement le plus fort, ça pouvait être aussi les plus malins ou les plus habiles. C'est le cas aujourd'hui. Ah, ça c'est intéressant, ça peut être le cas aussi aujourd'hui, oui, d'une certaine manière. Après, je pense aussi que... Le plus stratège, ouais, et c'est peut-être un résultat aussi. C'est peut-être un résultat, parce que la politique moderne, ça a commencé avec la Renaissance. Ça a commencé avec les États italiens, et ça a commencé principalement avec l'argent. Je pense aux Borgia, je pense aux Républiques de Venise et compagnie. Et donc, à partir du moment où ils avaient des moyens financiers, ils ont utilisé cette influence en disant « Mais parce qu'on a l'argent, donc on a le moyen de remplacer et de gérer le troc qui échappait aux États, donc de manière le financer en levant des impôts, on est capable de prêter aux puissants, c'est-à-dire aux papes, aux rois, d'avoir entre guillemets une main dessus, pourquoi entre guillemets on ne se débrouillerait pas pour avoir un retour intelligent de cet argent qu'on prête? Et donc ils ont commencé à investir dans l'art, ils ont commencé à investir dans la culture, ils ont commencé à investir dans l'hygiène, ils nous ont fait des Léonard de Vinci, ils nous ont créé vraiment toute cette idée de renaissance en Europe, ce courant qui a submergé un peu la féodalité européenne et qui a permis de passer à une société beaucoup plus moderne. Avec ça est venu le côté d'aller négocier. On regarde Louis XIV, il y avait une cour autour de Louis XIV. C'était peut-être un roi, mais il y avait de la politique qui se passait au quotidien à Versailles. C'était un jeu de politique, de soir au matin, de celui qui aurait la meilleure place par rapport au roi, qui aurait l'écoute du roi et qui pourrait faire passer son message tirer la couverture à lui. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment là qui a lancé la politique beaucoup plus moderne, beaucoup plus sénatoriale, telle qu'on la connaît maintenant, avec je prends, voilà, je compare, je place mes idées, voilà. Il y a toujours un intérêt, alors? Ouais, je pense que ça a beaucoup fortifié vers une notion d'intérêt, ouais, tout à fait. Et c'est toujours le combat de l'intérêt collectif et face à l'intérêt particulier. Alors, ouais, c'est toujours... Dès le début. Ça, c'est compliqué. Alors ça, je suis pas persuadé que c'est au début. Ou c'est forcément impartial, ou... Enfin, c'est là qu'on va parler de la morale. Forcément impartial. Non, je crois que ça saurait. Non, mais voilà, il y a la morale politique. La morale politique, c'est un idéal. C'est un idéal inatteignable, parce que l'être humain n'est pas partial, donc par définition, comme la politique est un fait humain. L'être humain n'est pas partial, tu veux dire l'être humain n'est pas impartial, je pense. Oui, donc, si, oui, il n'est pas... L'être humain est partial. Oui, il est partial, tout à fait. Non mais oui, c'est vrai, c'est pour ça que je pense que... J'ai bien vu que c'était pour voir si je suivais. Hein. Tu suis, non, parce qu'il est... Alors, l'humain est fondamentalement immoral. Bah, je pense qu'il a, il a une priorité, c'est lui-même. Dans tous les cas. Et après, c'est les autres. D'accord. C'est aussi la survie. Hein. On pense à survivre, donc ça crée une espèce d'égoïsme. On met en place une stratégie pour survivre. Alors, soit on la conçoit fortement avec les autres, soit on considère que les autres sont là pour nous, quoi. Donc là, on est plutôt vraiment pour soi. Mais la base de la survie, c'est quand même essayer de survivre dans un milieu où il faut manger, il faut dormir, mais il faut assumer des besoins. Il faut de l'énergie, de la chaleur, voilà. Il faut pas trop de chaleur, il faut de l'eau, des besoins. Des besoins, voilà. Il résume bien les choses, Donc il faut être capable, en fait, c'est là toute la finesse, c'est que le jeu politique est là pour permettre aux gens d'avoir leurs besoins qui soient complétés, tout en étant assez fin pour qu'il y ait un gain personnel. C'est un sacré jeu d'équilibre, quand même. Et sachant qu'au final, cette envie de gain personnel prend souvent le dessus. Elle prend le dessus, mais elle est de toute façon commune à tous les êtres humains qui sont gouvernés, dans tous les cas. Parce que même entre gouvernés, on se tape la bourre à base de concurrence, à base de... Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs temps dans le temps politique ? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement le temps de la compétition pour être celui qui doit arriver, qui doit être le premier, qui doit avoir la place ? Et après, la phase d'installation où la personne, entre guillemets, se dit « j'y suis, donc j'en profite ». Il y a des temps, je pense, en politique, entre guillemets. Des temps de vie, des temps de réflexion, des temps de situation, voilà. Entre celui qui veut la place et celui qui a la place, celui qui est installé et celui qui voudrait être installé, les besoins ne sont pas les mêmes. Et les volontés pour y arriver ne sont pas non plus les mêmes. C'est ça qui fait peut-être aussi le sel de la politique. Le sel de la politique, après, il est à chaque pays à son sel, oui. Je dirais. Par exemple, nous, notre, ADN, sel, ouais, notre sel, c'est de trancher la tête du roi. Ça, c'est notre sel. Ah oui, c'est oui. On a beau avoir des gouvernants, peu importe le bord politique du gouvernant, on voudra lui trancher la tête. C'est ça. Hein ? On refait la Révolution française en permanence, est captif. Tous les 5 ans. Hein, ouais, tout à fait. nous décapitons notre ancien président régalien. C'est pour ça que quasiment tous les 5 ans, on change de bord. Hein. Ouais, c'est français, ouais, tout c'est à fait. Français. C'est ce côté éternellement insatisfait des Français. Ouais. Non, mais c'est vrai. On est peut-être très certainement dans un syndrome de Stockholm non avoué par rapport à la Révolution, la Révolution de 1789. Et on aimerait bien en permanence, justement, le revivre. Et c'est vrai que c'est oui. Mais ça nous caractérise à plein d'échelles. Le syndicalisme français, il est pareil. Il est orienté vers le. Il faut mettre à bas le pouvoir dans tous les cas, qu'il soit de gauche ou de droite. Enfin, j'avais dit qu'on ne disait pas gauche ou droite. Bah, t'y arrives. Ah on a notre petite boîte. Je mets 1 euro. Voilà. T'as dit 2 fois. Encore, tu l'as répété. Merde, donc. Tu fais amende honorable. C'est le principal. Bon, dans tous les cas, c'est ça. C'est quand même, comme on disait, le sel. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est nombreux en France à critiquer la politique, mais on l'aime. Bah, on l'aime, oui, parce que je pense que la politique, c'est ce qui fait aussi que lorsqu'on va dans des lieux de réunion, par exemple, dans des lieux sociaux, c'est un sujet qui est à peu près aussi facile à lancer que, par exemple, de parler de la météo. Et c'est un sujet sur lequel on aura des retours tout de suite. Et surtout qu'en démocratie, c'est ce qui fait qu'on est libre. Oui, c'est de pouvoir partager ce genre d'idées, bien sûr. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on argumente, on essaye d'arriver à une situation, d'en tirer des conclusions, de faire avancer sa propre logique, de manière à faire justement avancer la conscience politique que chacun peut avoir. C'est ça qui est intéressant, justement. Après, il y a... Enfin, ça, c'est... Moi, je parle pour moi. C'est quelque chose qui m'attire, qui me parle, j'aime bien en parler. Mais c'est vrai qu'on entend dans la rue, on entend partout le désamour du peuple... pour la politique, enfin la masse, la majorité. Je pense que c'est un phénomène un peu, bon, c'est pas forcément propre à la France, mais un peu de la cette politique moderne dont on voulait pas parler, c'est que elle va plus assez vite par rapport à Internet, etc. Non, parce que c'est sûrement l'inverse. C'est Internet qui va trop vite par rapport à la politique moderne. Oui, tout à fait. Je pense que la politique, c'est un temps d'action. C'est ce qu'il dit. C'est ce que j'ai dit. Il a dit qu'elle allait passer. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais c'est justement... Écoutez-vous, ce les garçons. À mon avis, ce qui va à la bonne vitesse, C'est la politique. Mais je pense pas. Oui. C'est Internet qui va trop vite. C'est possible qu'Internet aille trop vite, mais voilà. Il y a un désamour des politiques, mais il y a un côté promesse non tenue et donc déception. Ça, donc c'est un phénomène avec ça, parce que on a dans notre politique moderne, démocratique, il faut se faire reconnaître. Il faut se vendre. Voilà. Il faudrait se faire reconnaître pour être élu. Élu ou est réélu. Donc, pour être élu, il faut donner aux électeurs l'impression qu'on va être meilleur que les autres. Et donc là, ça se fait très facilement en faisant des promesses. Sauf que les promesses, elles n'engagent que... Au feu de la réalité. On les traîne, on les tient pas. Et donc, à la fin, se dresse un bilan. Il y a eu des promesses de fait, plus ou moins claires, et il y a eu des actes de fait, plus ou moins retenu, et voilà, la France se marque par une grande déception. Mmh. Voilà, c'est pas forcément qu'il y a plus de déceptions que dans d'autres pays, mais en tout cas, les Français le pardonnent moins. Oui, je pense qu'ils seront. Je pense qu'on a tellement d'espérance envers ce que doit être le système politique. On en revient voilà, à notre histoire, c'est que on est un pays qui aime bien être guidé. On a eu, en fait, entre guillemets, la chance d'avoir eu des gens, des leaders, entre guillemets, d'opinions historiques, dont on a une grande richesse et un grand nombre. Quand je vois l'actualité mondiale, j'ai l'impression que tous les peuples aiment être guidés. Alors, j'ai pas l'impression que c'est français, ça. Oui, mais je pense qu'on peut prendre n'importe quel livre d'histoire du monde, on aura toujours une allusion à un Français qui a eu une influence sur un autre pays. En fait, on a cette particularité d'être le pays qui rayonne dans le monde par rapport à ça. On a créé, entre guillemets, les États-Unis, on les a aidés à pousser, on a créé l'Europe moderne. Enfin, voilà. On montre l'exemple. Ouais. Et malheureusement, on n'a plus vraiment le niveau. C'est-à-dire que ça fait maintenant quelques décennies qu'on n'a plus de leaders politiques qui ont une image internationale et qui ont des engagements internationaux. Et du coup, de ce côté-là, on déçoit parce qu'en décevant les autres, alors, donc l'international, on se déçoit nous-mêmes. PJ, sujet glissant, parce que là, t'es quasiment dans la politique actuelle. Je suis dans la politique actuelle. On est passé très vite de la Mésopotamie à la politique actuelle quand même. C'est vrai que on n'a pas parlé. Je pense qu'il faudrait qu'on écoute Julien qui nous lise un petit extrait de la Mésopotamie pour qu'on en revienne non, à non, du. Non, mais en fait, en plus, bon, on va pas lire, mais la Mésopotamie, c'est le début, mais c'est pas les prémices. Il y a eu avant, je pense. Il y a eu avant. Alors malheureusement, moi, à ma côté historique, mais le néolithique, il y a déjà des traces d'action politique. Mais je pense que l'humain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, s'organise automatiquement. On prend un groupe de 10 personnes, il y aura un ou deux leaders qui vont se dessiner. Quelles que sont les personnes, et même quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, les enfants aussi, il va y avoir quelqu'un qui va ressortir du lot. Alors il peut y en avoir deux, trois. Alors deux, c'est embêtant hein, parce qu'ils se battent après. Alors, surtout l'homme est très fort. Est-ce que c'est pas tu dis les enfants, mais est-ce que c'est pas par mimétisme simplement et qu'on se transmet ça de génération en génération par mimétisme? Ça c'est une grande question politico-philosophique, philosophico-psychologique. Est-ce que les enfants le voient? Je pense pas. Personnellement, je pense pas parce qu'ils voient beaucoup de choses, mais je pense pas qu'ils voient les autres s'organiser. La finesse du trait politique, tu veux dire. C'est quelque chose de tellement. Je pense que la c'est la politique assez naturel. Au sein d'un foyer, papa a dit non, mais maman a dit oui. Enfin, Oui, mais c'est ouais, pas. On peut replacer la politique dans le foyer. Pareil. C'est pas faux, ouais. Des luttes de pouvoir. C'est quand même de la politique. C'est oui, mais c'est de l'influence. Je parlais de l'influence, mais c'est de la politique. Je ne parlais pas du demande des luttes de pouvoir. Je parlais de l'auto-régulation qu'on trouve dans des petites stratégies, des petits groupes, et on le trouve déjà chez des enfants, où tu prends un groupe de 5 ou 10 personnes, il va y avoir un leader qui va sortir pratiquement toujours, ou peut-être deux, peut-être trois. Tranchons-lui la tête. Et à la fin, il se fait trancher la tête, effectivement, parce que c'est un Français, mais au début, il ressort, il mène. Je surveille des enfants occasionnellement, et on le voit, il y a toujours un groupe, ils veulent jouer, il y en a un qui va prendre l'initiative, qui va mener la marque, et puis il va être suivi, ou bien il y aura peut-être une lutte parce qu'un autre voudra faire un autre jeu, mais on retrouve ça. Et je pense pas qu'ils le voient ailleurs, parce qu'ils le voient pas dans la classe où le dirigeant, il est figé, c'est le maître ou la maîtresse. Dans la famille, c'est figé, c'est papa et maman, ou papa ou maman éventuellement, maman. Selon les familles, mais ça change pas. Il a aucun contrôle sur ça. Ça s'est pas fait tout seul. Tiens, se trouve que c'est papa qui gère, ça aurait pu être le dernier. Non, c'est papa ou maman ou les deux. C'est jamais les enfants. Enfin, quoi que ça arrive que c'est les ça enfants. Mais ça... Non, mais comment on appelle c'est ça les enfants tyrans? Non, c'est pas comme ça. Voilà, mais les enfants tyrans. C'est, un cas, c'est, un cas... c'est intéressant d'ailleurs le mot tyran. Ah, le tyran, mais. Pourquoi on a utilisé ce mot qui est quand même très puissant? Je l'avais noté. Et... on aurait... Voilà, c'est qu'on a cette notion. Je suis pas capable de donner une définition. Bah ouais, c'est non, mais tyran. C'est qu'on a vraiment cette notion dans notre culture de la vie sociale qui est qu'il y a toujours quelque chose en haut qui vient nous diriger, qui vient vraiment nous imposer quelque chose. La tyrannie, c'est vraiment clair. Hein. On nous impose, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça, et voilà, c'est marche ou crève. C'est intéressant d'avoir utilisé ce mot-là, justement. Ouais, mais à la base, c'est ça qui se passe avec les parents. Dans une famille, entre guillemets, on va pas dire normale, mais typique, c'est les parents qui imposent. Mmh. Est-ce que les parents sont pour autant tyrans parce qu'ils imposent aux enfants de se coucher à 8h ou 8h30 et de manger et de se laver les dents? Alors que dans le sens, on va dire enfant tyran. Oui, on dit enfant tyran parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix que tu passes son fils. On n'a pas le choix. Donc il y aura une notion de filiation dans la politique. Surtout, on peut aborder le sujet. Il y a peut-être une notion de filiation dans l'acte politique. La notion d'enfant tyran, je pense qu'elle revient souvent dans le concept de tyran, c'est que c'est une autorité que l'on subit, mais qu'on considère comme anormale. Qu'un parent ait autorité sur ses enfants, on ne le considère pas comme anormal. Mais qu'un enfant ait autorité sur ses parents, là, un jeune enfant, là, on le considère comme anormal. On les règles, en fait. Non, et donc, on va dire que le parent considère ça comme normal, c'est qu'il est con, quoi. Enfin... Ah bah, ça, c'est un avis, ça. Quel truc, bon, oui. On avait dit qu'on ne donnerait pas son avis, oui, effectivement. C'est un début d'avis, je suis désolé. C'est vrai que c'est intéressant. On est parti sur un terme On voit tout ce qui peut en décliner, en fait. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, la politique est beaucoup plus ancrée dans notre quotidien qu'on ne pourrait l'imaginer. Si on part du principe que la notion de définition de la politique, c'est l'organisation de la vie, on s'en compte qu'en fait, la politique est notre vie. Ça devient très... ça peut être choquant pour beaucoup, hein, mais c'est pas faux. Alors, je sais plus qui le disait, mais certains disent « tout est politique ». Oui, je fais partie de ceux qui le disent. Pour moi, tout est politique, tout est fait politique. Ça, je suis d'accord. Par contre, juste, je ne voudrais pas imposer une certaine tyrannie, mais il serait peut-être temps d'imposer une petite pause. Une pause ? Une pause s'impose, devant Dieu. On a passé les 20 minutes... Je vais devoir sélectionner une chanson que je ne connais pas. Non, tu ne connais pas le nom ? Non, voilà, je ne connais pas le nom, mais on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Allez, c'est parti. Une petite pause. On se retrouve dans quelques instants, donc, dans notre émission du jeudi soir. Dernier jeudi du mois, hein, c'est ça, on va dire. Le dernier jeudi du mois. Bah si, c'est le dernier jeudi. Toutes les 4 semaines. Dernier jeudi du mois. Ça va quasiment tomber tout le temps, le dernier jeudi. Ouais, mais ça va se décaler de 2-3 jours par mois. Et puis, à moins qu'on dise, c'est le dernier jeudi du mois. Ouais, mais non. Ah non. Mais on peut en discuter. Il y a d'autres émissions, les jeudis. Vous faites saturer la régie, messieurs. Calmez-vous. Il y a d'autres émissions et donc les autres... Bon, un petit morceau, une petite pause s'impose, un petit morceau musical. Et on se retrouve dans quelques instants dans le débat des hautes montagnes, hein, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas compris. Le débat des hauts, voilà, à plus tard. Enfin, hauts. On se retrouve dans 2 minutes 55. Ouh là là, oui, elle est courte cette chanson. Allez, à tout de suite. Le débat des hauts. C'est reparti, nous revoilà. Le temps pour moi de boire juste un peu d'eau. Ah, c'est vrai que 2 minutes 55 de pause, c'est léger. Il fait chaud aujourd'hui en plus. J'aurais dû choisir une chanson un peu plus longue. Je vais les sélectionner en fonction de leur durée maintenant. Ouais, je propose comme première, je ferai une pause, on passera à un opéra complet. Verdi, Vivaldi, quel est ton... Comme ça, il n'y aura pas d'émission, hein, on sera tranquille. Vivaldi, c'est pas mal. Je suis très baroque, moi. Alors, je me désaltère, hein. Excusez-moi, c'est pour ça que... C'est qu'il y avait une pause, donc tu pouvais pas. La pause s'impose. Mais il faudrait pas que le système, tu sais, le système qui prend le relais s'il n'y a plus de son. Parce que tu sais que dans une radio comme ici, il y a un espèce d'équipement qui surveille, qui est du son en tout temps. Mm-hmm. Parce que s'il n'y a pas de son, il y a une espèce de bande de secours qui se lance. Ah oui, d'accord. Donc il faut parler tout le temps. Voilà. Ah oui, sinon le truc va passer en mode secours, et puis on ne pourra plus reprendre l'antenne avant une paire d'heures. On aura l'air bête. Ouais, je sais pas comment ça marche. Ça, oui, ça reprend automatiquement après. Il n'y a pas de détecteur de plan pour l'instant. D'accord. Il y a des détecteurs de coupure de signal, mais pas de blanc. D'accord. Donc si on coupe le signal, ça, ouais, il y a un secours. Mais si on dit rien. Mais si on dit rien, pour l'instant, il n'y a pas de secours. D'accord. Je vous propose une petite minute. non, je plaisante. Mais je vais quand même me désaltérer. Mais tout ça pour dire que c'est ce qu'on disait là avant la coupure, c'est que c'est vrai que si on part du principe que la politique c'est tout, que ça se joint à tout, voilà, que nos paramètres de vie sont politiques, on peut aussi penser pourquoi l'être humain a choisi le cheminement actuel, le système politique dans lequel on vit actuellement, quoi, ce système démocratique entre guillemets. Pourquoi on a juste recopié en fait un système qui date des Grecs et puis qu'on a juste pris copier-coller et adapté à nos besoins actuels. Il y a eu plusieurs tentatives successives. Je te rappelle. L'étape empereur, l'étape roi, l'étape... Enfin, il y a eu quand même... Liée à la religion, d'ailleurs. Liée à la religion, mais on a eu quand même la Première République, la Deuxième République. Hein, enfin... Alors, on a eu un paquet de tentatives pour voilà. Passer... Bah, on a balbutié hein, depuis la Révolution française. Je te rappelle que pour beaucoup de monde, enfin, pour... On ne va pas dire une majorité ni une minorité, on ne va pas juger l'ampleur de la masse en question, mais il y a pas mal de... Il y a certains gens qui pensent qu'il faut une sixième république, par exemple. Après, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils ont arrêté de lutter sur le roi, il faut trancher la tête. Non, on va carrément changer le système parce que ça sera peut-être plus simple de revoir les bases. Alors, est-ce que c'est un problème de système ou est-ce que c'est un problème de personne? Est-ce que c'est un problème de moment, peut-être? Ou de moment. Oui, c'est aussi une façon de gérer. C'est de la politique, de la politique, parce que... On entend parfois dire les États-Unis ils sont fiers de leur constitution, là ils l'ont jamais changé, ils ont juste fait des amendements. Bah oui, ils ont fait une quinzaine d'amendements. Nous on a fait cinq républiques. Effectivement, il y a aussi des amendements dans ces républiques, mais c'est qu'une évolution entre la 5e et la 4e république, il y a quoi? Il y a la façon dont est dilué le parlement et le rôle du président, c'est le gros changement. Dans la 5e république, il y a eu Maastricht. Qui est un changement majeur, puisque la France transfert d'autorité. A transféré une partie de son autorité à l'Europe. C'est un changement bien plus important que le passage de la 4e ou à la 5e République. C'est un abandon, oui, tout à fait. Voilà, c'est un vrai changement, et pourtant c'est juste un petit amendement techniquement. Concrètement, c'est un gros changement. Donc on passe à la 6e République. Qu'on reste dans la 5e République et qu'on change les règles ou qu'on crée une 6e République avec d'autres règles, on aura peut-être le même résultat. C'est une question de mots. Les États-Unis font des grands amendements, première de base. La perfection n'étant pas de ce monde, je ne doute pas que la 6e République soit parfaite. non mais voilà. D'ailleurs, paradoxalement, on va faire forcément des erreurs le jour où on fera un changement. On en sera fortement satisfait le lendemain du vote, mais on va dire que après au long terme, quand on l'évaluera, non mais c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui l'évalueront, ce sera pas obligatoirement ceux qui auront voté pour. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que ça peut être leur enfant ou leurs petits-enfants. Une partie de ceux qui décrivent ces projets de 6e République disent oh malheur, on va revenir à la 4e République. Donc finalement. C'est peut-être une régression. Donc la République de leurs arrière-grands-parents, donc ça n'est un euro. Et finalement, voilà, est-ce que la 4e ou la 5e République est mieux, voilà, bon. Alors, est-ce que la solution, ça serait pas qu'on parte, qu'on plaque tout, qu'on aille dans les montagnes élever je ne sais quel animal, des chèvres, et de créer peut-être une nouvelle société alternative? Qu'on en revienne peut-être à ce qu'il y a, si on, du principe de tout à l'heure où l'on disait que la politique moderne c'était lié par rapport à l'argent, à la constitution des biens, voilà, aux créations de banques, peut-être que le futur de la politique, ce sera le retour au troc. Et que le troc désamorcera les systèmes politiques actuels. Bah oui, c'est vrai que dans un système dans lequel les gens sont obligés de communiquer entre eux, d'égal à égal ou entre les strates, donc entre les différents niveaux de la société, pour échanger un bien de consommation courant. Tout le monde veut manger, tout le monde veut du poulet. Le fermier qui va avoir le poulet, il pourra servir son poulet autant à un notaire qu'à un ouvrier. Voilà, il est bien obligé de discuter, ils sont bien obligés d'échanger des idées. C'est peut-être ça le fondement même de la politique, c'est d'échanger des idées. C'est peut-être ça qui manque dans nos sociétés modernes, où on est stratifié. On est de plus en plus un hindou avec des strates, c'est-à-dire que les gens sont fondés entre eux sociaux. Tu vas fort là, non ? Ben, j'y vais fort dans le sens où, voilà, c'est aussi l'évolution qu'il y a eu. On regarde les réseaux sociaux, c'est ce que ça a permis. C'est que ça a permis aux gens d'être dans des entre-soi. On n'est plus lié à des limites géographiques, on est lié à des limites d'idées. Des cercles, ouais. Voilà, on est dans des cercles, donc on met dans des cercles des gens qu'on supporte. Donc plus les gens vont être proches de nos idées, plus c'est facile de les supporter. Mais qu'est-ce qu'on fait tous les trois ? Non, mais c'est ça qui est intéressant dans l'évolution de la politique, et je pense aussi que c'est pour ça le désamour actuel de la politique, parce que la politique actuelle ne rentre plus dans les cercles personnels des gens. Il n'a plus sa place dans ce cercle, puisque ce cercle est déjà pris par des amis qui auront des idées qui nous ressemblent. Qu'est-ce que c'est que cette chose, cet ovni qui vient, qui ne s'intègre pas à nos idées ? On n'en veut pas. Donc, on ne veut pas de monsieur politique, ce mot, on personnifie. Voilà. C'est une évolution sociétale. Après, il y a aussi l'idée de la Attends, comment on va dire ça ? La déterritoirisation, oui, de la chose. Parce que maintenant, ça va être quoi ? Ça va être quelques bobos parisiens qui vont... Enfin, excusez-moi pour ce terme. C'était un jugement. Non, pas bobo. On va dire. Ça ne me choque pas. Voilà. Ça, c'est jugement aussi, je crois. Non, ça. Non, mais on va dire des Parisiens, des gens de la capitale. Qui sont élus et qui gèrent l'affaire des provinciaux. De la même manière que Rome a perdu toute idée à partir du moment où c'est devenu une capitale et non plus une ville. Ce qui a tué l'Empire romain, c'est le fait que la capitale Rome soit devenue la capitale d'un empire, où les armées étaient aux quatre coins d'un empire immense, et où les problèmes et les solutions étaient donnés pour gérer un empire, à l'échelle de l'empire, et non plus pour gérer une ville qui s'était créée autour d'un système politique pour la gérer elle, pour répondre à ses besoins à elle, et non pas pour répondre aux besoins d'un empire. Et ils se sont perdus. Et c'est peut-être ce qui arrive aussi aujourd'hui à nos politiques nationales, c'est qu'elles ne répondent plus aux enjeux locaux. Et qu'elle-même ne voit plus d'intérêt aux politiques nationales, mais aux politiques supranationales. Alors, est-ce que ça ne serait pas la chance, par exemple, de nos voisins allemands qui sont fédérales ? Enfin, c'est une fédération d'États. Enfin, la fédération, peut-être, ouais, pour retourner un pouvoir plus proche des gens. Mais après, il faut voir la taille d'un Länder allemand. Hein. Même avec nos nouvelles régions, on est encore ridicule. Hein. Donc, on a quand même des notions de territoire qui sont beaucoup plus grandes. Ça ne les empêche pas d'avoir une culture sociétale, un, dans le syndicalisme dit intelligent à l'allemande, et deux, dans la politique, où ils aiment une stabilité, voilà. Non, mais ils sont reconnus dans le syndicalisme, ouais, intelligent, c'est un syndicalisme de communication, de dialogue, ils savent faire la grève quand il faut, mais ils savent aussi dialoguer en amont, prendre des initiatives, faire des propositions, ils sont force de proposition, il y a un gros dialogue social à l'allemande qui est reconnu. Et donc voilà, c'est pas un gros mot en tant que tel, et je pense que ça fait partie aussi du fait politique. Pour moi, le syndicalisme et politique, ça va ensemble. Et voilà, c'est du lobbying d'idées, c'est du partage d'idées, et voilà, c'est pas un gros mot. Moi, je voudrais revenir sur ma société alternative. Je rêvais d'un autre monde. Non, mais les anarchistes, dans tout ça, l'anarchie, est-ce que c'est de la politique, l'anarchie ? Croire en l'anarchie comme un système politique. C'est un système politique ? C'est une forme de système politique ? Définis anarchie. Bah, je dirais l'absence de pouvoir centralisé. Non, l'absence de règles. L'absence de règles, carrément. L'absence de règles possible, théoriquement. Ça rejette la notion même de politique. Ouais. Puisque si on a bien défini depuis tout à l'heure, après ça peut être notre avis, mais que la politique était liée à un cheminement. Règles. Donc s'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de cheminement. Il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'avancée. Il n'y a plus de thunes aussi. Après qu'il n'y ait plus d'argent, certainement, qu'il y ait du troc, oui. Il n'y a plus d'argent, mais. Le troc n'est pas impossible. Et par exemple, c'est alternatif. Si on doit entretenir une rue, une route qui relie une maison à une autre, s'il n'y a pas la notion de société, comment on le fait ? Je rappelle tout à l'heure que je défendais l'idée, qui même pas, je ne le défends pas, c'est éprouvé, que quand on met un groupe de personnes, il y a forcément un leader qui se dégage tout seul. Donc forcément, il va y avoir un leader. Il n'y aura pas forcément de règles, par contre. Mais il y aura un arbitre. Mais du coup, les règles, quand il y a un arbitre, quand il y a des règles, l'arbitre, il est là pour respecter les règles. S'il n'y a pas de règles, il définit ses propres règles. Donc on a toujours des règles. Je on a toujours un leader. Donc Pour moi, justement, on est là-dessus. On est en pleine Coupe du Monde. L'arbitre. Non, mais justement, là-dessus, l'arbitre. Je me demande on aurait dû le mettre dans les c'était mains, une logique, d'ailleurs. Là. Je pense qu'on touche à quelque chose. Pourquoi la politique existe? Peut-être justement parce que l'être humain a besoin d'un tiers pour définir ce qui est juste ou pas. Non, mais et que l'être humain préfère avoir, entre guillemets, un arbitre pour le faire que lui-même le faire. Non, mais pas forcément. Il y a ça, mais... Il y a cette notion, ouais. La justice. Le besoin principal, justice c'est politique, qu'il faut rendre la justice. C'est très épineux, les deux leaders. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai, en partie, mais il y a besoin d'un leader parce qu'il faut s'organiser. Et je prends le cas d'un groupe d'enfants qui se dit « on va jouer à un jeu ». Ben, quel jeu? Comment on va l'organiser? Alors, il y a des jeux qui sont déjà connus, mais il y a des fois des groupes d'enfants qui adaptent des jeux et il y a un leader qui va plus ou moins se dégager et qui va mettre en place ça et plus ou moins reconnu par ses camarades. Légitimé, en fait. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a besoin d'un dire, c'est qu'à un moment donné, on va avoir besoin de définir une stratégie. Est vraiment un concept politique, une stratégie pour s'organiser. On veut faire un jeu parce qu'on veut se divertir, c'est quand même l'idée d'un jeu, c'est pas parce qu'on a besoin de relier un point à un autre, mais c'est pareil. On a un objectif, se divertir, relier une ville à une autre, se protéger face à une éventuelle invasion barbare, et ben on a besoin de l'organiser. Et à un moment donné, et ben il faut bien décider. Alors, il y a une solution qui existe, dans laquelle il n'y a pas de leader, c'est la démocratie directe. Chacun va voter. Mais en fait, on va voter quoi? Une idée d'une personne, peut-être amendée par une autre personne. Mais finalement, il y a quand même quelqu'un qui propose. Et c'est ça le début de la politique. C'est quelqu'un qui propose, bah, tiens, on est en train de venir... On passe avec difficulté pour aller chez nos amis de l'autre côté de la vallée, mais pourquoi ferait pas un chemin? Tu touches, pourquoi ce chemin, on lui met pas un enrobé bitumeux pour qu'on puisse rouler avec un véhicule motorisé extrêmement moderne, comme ils avaient déjà il y a quelques millénaires, peut-être pas. Mais, et dans tout ça, être force... On a perdu PJ, là. C'est enrobé il y a quelques millénaires, j'étais en train de faire un lien de cause à effet, là. Je suis très anachroniste. Non, mais moi, je pensais à ta force de proposition. Moi, je te dirais, c'est peut-être que c'est pas donné à tout le monde, aussi. Non. Pas du tout. Tout le monde ne va pas proposer. Tout le monde. De manière spontanée. Non. Comme je l'ai dit, il y a toujours un qui se dégage. Non, voilà, il y a un problème de personnalité aussi. Hein. Les propositions sont pas forcément. Enfin, être force de proposition, c'est une qualité souvent qu'on accorde à quelqu'un. Donc celui-là, il propose des choses, il va de l'avant. Enfin, même sans aller de l'avant, il propose. Donc on va dire que c'est un trait de personnalité qui caractérise peut-être les gens qui vont faire de la politique. Hein? Alors est-ce que c'est nécessaire et suffisant? Moi, j'ai tendance à penser que c'est nécessaire, dans tous les cas. Que c'est nécessaire, qu'il soit force de proposition, à moins qu'il soit entouré d'un collège de conseillers. Ouais, faut pas se voiler. On ne fait plus de la politique tout seul. Voilà, je pense que c'est une réalité. Et je pense aussi que quelqu'un qui, aujourd'hui, n'a pas, de toute façon, un côté très administré, très administratif, ne peut plus faire de politique. Parce que la politique à l'ancienne, où je donne un coup d'épaule, où je gueule, où voilà, ça marche plus. Enfin, voilà, c'est plus de notre... Voilà, c'était la politique de l'après-guerre, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un administrateur. Ça marche plus à haut niveau. Même à bas niveau. Entre guillemets... Bon, je te présente quelques élus dans des mairies, c'est autre chose, mais... dans des conseils généraux, c'est autre chose, mais je pars du principe, à partir du moment, par exemple, pour les députations, là, les gens se sont bien rendus compte que c'est quand même difficile... d'arriver dans le monde politique sans expérience. Voilà. On aurait dû inviter un député ou quelqu'un de notre secteur. Ouais, ça aurait pu être intéressant pour avoir justement un retour intelligent, non pas lié à de la politique, mais lié au fait que... Pour le coup, ça aurait été très lié à la politique. Non, mais pour le fait de dire que ça devient quelque chose... Un ancien, finalement. Qui s'éloigne, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le fait politique moderne s'éloigne du sens même de ce qu'était la politique au départ. Aujourd'hui, ça devient un travail d'administration. Donc c'est une spécialité de la politique, mais ce n'est plus la politique dans le cas général. Et je peux comprendre aussi qu'il y ait aussi d'un autre côté un désamour de la politique de la part des gens, mais de la part de ceux qui la font aussi. Parce que s'ils ont fait des études administratifs, là-dedans... Bah ouais, s'ils ont fait des études là-dedans, dans la politique, parce que ça les intéressait vraiment de faire avancer la société, d'avoir des objectifs, de se retrouver déçus par le fait que voilà, c'est un travail administratif aujourd'hui, eh ben, il manque tout le reste de la dimension de l'avancée de l'être humain. Et oui, de manière humaniste, ça peut être quelque chose qui peut porter défaut. Ouais. Ouais, d'un côté, on a des champions, des cadors, des premiers de la classe, enfin, je sais pas comment dire ça, des bons en termes administratifs, en termes scolaires de la chose, mais peut-être que le côté humain n'est pas... Il est de plus en plus galvaudé, je pense, ouais. Bon, après, il faut les deux. Parce qu'on a quand même... Un bon homme politique, pour moi, c'est ça. Ouais. Voilà, parce que la société est tellement complexe qu'il faut quand même les armes pour comprendre. Enfin... En partant de la base, un homme politique est quelqu'un qui dialogue. Donc quelqu'un qui doit avoir de la culture, qui doit avoir du répondant et qui doit avoir une capacité à faire des propositions. Donc l'administratif, oui, il existe, mais s'il n'a pas déjà les premières qualités, c'est difficile. Chaud, hein. Il faut séduire la population. Reprenons les Romains avec les agora, quand les gens allaient discuter dans les forums pour partager des idées, qui tenaient la parole tout seul, à faire des discours. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est un retour aux sources. Voilà, ouais. Mais c'est encore quelque chose de très concret dans la politique actuelle. Le simulacre. Quand on regarde, par exemple, une assemblée, une assemblée fonctionnée. Pour pas que tu parles de personnes. Non, mais je parle de personnes, concrètes. Mais je ne donne. Voilà, il y a de très bons orateurs dans le monde politique actuel. Quand on regarde dans une assemblée, aujourd'hui, quand on regarde une assemblée, on voit qu'il y a encore ce jeu de mimes qui est exactement le même que celui qu'il y avait il y a 2500, 3000 ans dans l'ancienne Rome ou dans l'ancienne Grèce. Les gens sont debout dans un auditoire qui ressemble à un cirque. Et parle avec des gens autour qui commentent, qui vont faire plein de gestes, qui vont avoir des opinions. Mais franchement, on pourrait replacer, on enlève leur costume, on les met en toge, on les met il y a 3000 ans, et on trouverait ça très ressemblant. C'est assez perturbant qu'on n'ait pas fait plus de cheminement en autant de temps. Je pense qu'obligatoirement, il y a une évolution à voir. Vers quoi il faut aller ? Ah, c'est difficile. Un autre système politique ou une autre manière de penser la politique ? On en revient à ma société alternative d'anarchistes. Tout à fait, c'est une question à poser, oui, bien sûr. C'est une question à poser. Après, faut-il croire au fait que la solution serait l'absence de règles aussi ? Je suis pas, enfin moi, je vais pas juger. Je ne juge personne, je ne juge pas ces idées-là. On est là pour en parler. On est là pour en parler de manière factuelle, tout à fait. Mais ouais, l'absence de règles, en quoi elle va arranger quelque chose ? Elle pourrait arranger. Bah, Essayons de faire le contre-argumentaire ou au moins le pour ou le contre. Hein ? En quoi on peut améliorer les choses d'une société à gommer ces règles ? Les règles sont là potentiellement pour diverses choses, mais elles sont là potentiellement pour créer une égalité entre les personnes, une égalité de droit. Si on enlève les règles, on n'a plus d'égalité. Ça veut dire que le gars qui est le plus fort, il va l'imposer. Dans les sociétés un minimum civilisées, il y a une règle que connaît le plus jeune enfant, c'est l'interdiction de tuer son prochain. C'est un truc con, hein, mais c'est une règle. Hein. Plus de règles, c'est qu'on a le droit de le faire. C'est vrai. Donc si on veut dire on supprime les règles, on supprime les règles. C'est pas on supprime les règles qui nous plaisent pas. Sinon, c'est une autre politique, mais avec des règles. Donc supprimer les règles, ça veut dire supprimer des règles aussi... structurelle à une civilisation qui est de ne pas nuire à son voisin parce qu'il ne vient pas. Et donc on enlève ces règles, c'est pas pour autant qu'on se fera tuer. Si on est le plus fort, on va être le roi, on va être le chef, on va être le diktat. Et finalement, on va imposer nos règles. Et donc on aura toujours des règles. Mais pas égales. Tu vois, ça m'appelle à une question. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui qu'il y a encore quelques tribus en Afrique ou quelques tribus en Microponésie ou de l'autre côté au Brésil qui fonctionnent dans des systèmes féodaux qui sont à eux, où ils se font des guerres, ou voilà. C'est vraiment encore très, très, très ancien comme système politique. Et est-ce que justement, dans ce cas-là, on peut définir qu'eux vivent apolitiquement ? Par le fait qu'ils se font encore la guerre, qu'ils vont encore faire des courses de territoire, qu'ils n'ont pas un leader malgré tout qui va faire. C'est pas parce qu'il y a une guerre qu'il n'y a pas de politique. Non, mais ils marchent encore. L'absence de règles entraînera probablement des guerres, mais les règles ne vont pas garantir qu'il n'y aura pas de guerre. Okay. Disons que la règle va. Ça dépend de quelle règle. Si par exemple on prend une entreprise qui a envie de vendre beaucoup son produit, elle va peut-être réussir à aller voir un politique et puis. Faire ce qu'on appelle vulgairement du lobbying et lui dire ça serait bien de faire une règle qui peut-être pas il va peut-être pas l'avancer en disant que c'est pour m'arranger mais faire une règle qui va m'arranger. Il y en a entre États, on en trouvera facilement. C'est une règle qui va favoriser quelqu'un, c'est une mauvaise règle de fait. Donc c'est pas parce que il y a des règles que c'est bien. Ce que je voulais dire, c'est que l'absence de règles est un problème, mais la présence de mauvaises règles est encore pire. Vaut mieux à la limite pas de règles que des règles qui vont carrément favoriser directement quelqu'un. Mais bon, les règles, elles sont là pour évoluer. Et il faut des règles juste. On en revient au c'est début. C'est ça le rôle de la politique, c'est de définir les bonnes règles. Non, on en revient à l'influence. Ou en tout cas, celle admise par une majorité. Voilà. Tu vois, c'est une question de consensus aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais dans la notion de politique, il y a la notion de consensus. Et de majorité. Alors, de consensus. Là, je reste vraiment au terme d'origine, c'est-à-dire l'effet d'emporter la masse. D'emporter la majorité. Par ricochet, je te parle de majorité. Alors, par ricochet, dans la notion moderne, on parle de majorité. Mais à l'époque, dans la notion même d'origine de la politique, c'est vraiment le remporter l'adhésion. Les Français votent à 51% pour un type. Ça, c'est français. Pour une meuf, hein, voilà. Non, la majorité, c'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est la majorité qu'en France, l'emporte. On n'aime pas les majorités claires. On est un pays de contraste. Voilà. Et comme tout pays de contraste, on n'aime pas quand les choses sont trop claires. Donc on aime bien, voilà, on n'a jamais des majorités écrasantes en France. Oui, je pense que c'est plutôt un phénomène sociétal lié au fait que dans un pays comme la France, on a toute une tranche de la population qui est ancrée d'un bord politique, toute une autre à un autre bord politique, et entre les deux, il y a les gens qui vont être mouvants. Et donc la politique se joue sur ces gens mouvants. Ceux qui seront toujours d'un côté, ils seront toujours de côté, ou ils peuvent changer éventuellement. Les noyaux durs, ce qu'on appelle. Voilà, les noyaux durs de chaque bord. Et donc finalement, on va avoir un bon 30% qui est d'un côté, un bon autre 30% qui est d'un autre côté. Il reste 40%, et encore là, je suis très large. Qui servent de variables d'ajustement. Qui sont là. Et finalement, la variable, elle est là-dedans. Donc, quand on la ramène sur l'ensemble de la population, on a l'impression que ça change un petit peu. Mais c'est parce qu'il y a un noyau de personnes qui sont attachées à des valeurs de certains politiques plutôt qu'à d'autres. Quand tu vas satisfaire 51% de la population, tu sais très bien que tu vas laisser sur le carreau 49% qui n'étaient pas d'accord avec toi. Et ça, c'est parce qu'il y a une majorité. Quand on parlait de consensus tout à l'heure, un consensus, c'est qu'on a un mouvement derrière nous. Donc on est plutôt sur du 80%, voire 95%. Le consensus, il n'existe pas dans un grand cas d'un consensus. Dans la notion même de consensus, l'adhésion est claire. C'était vraiment, je suis contre, si c'est passé, pour le bien de la société, je vais pour. Ça, dans la politique moderne, ça n'existe plus. C'est aussi une histoire de taille. Plus une structure, plus une société est grande, plus c'est compliqué et plus il va y avoir du clivage. On trouvera facilement du consensus dans un groupe de 20 personnes. Le consensus, tu le chiffres alors. Le consensus, c'est vrai ce qu'il dit, c'est lié aussi à la taille. Peut-être que justement, le fait que nos sociétés soient de plus en plus grandes, qu'on soit de plus en plus d'habitants, détruit la politique. Nous sommes peut-être maintenant trop nombreux. Et ça va de pair avec la décroche justement de l'ancrage local des politiques. C'est qu'on est peut-être trop nombreux aujourd'hui pour réussir à se mettre tous d'accord par rapport à un bien commun ou par rapport à des idées. On a peut-être tous des vies trop différentes les uns des autres pour réussir à avoir ce fondement commun qui fasse il y a les différences. Le vivre ensemble devient difficile. Il y a les différences et il y a aussi un truc tout bête. Quand si on prend un petit village de 300 habitants, rencontrer le maire, c'est pas très compliqué. Hein. Ça dépend où, par expérience. Ouais, mais bon, en général, on a quand même une possibilité de le voir. Quand on rentre sur des villes de 10 000 habitants, on peut le rencontrer, mais c'est déjà plus formel. Ça devient une autorité, voilà, en tant que tel. Et quand on parle d'un représentant d'État, par exemple, au hasard, un président de la République, le rencontrer, ça devient compliqué, parce qu'il ne peut pas rencontrer, si on prend la France, 60 millions de personnes, on peut enlever les enfants qui sont peut-être moins intéressés par la politique, mais malgré tout, pourquoi qu'ils ne rencontreraient pas le leader? A fortiori, je dirais même, il faudrait. Ouais, c'est sûr que c'est plus compliqué pour le président de la République de rencontrer tout le monde séparément, donc forcément, c'est plus compliqué. Et si on considère un continent, c'est encore plus compliqué. Et si on considère la planète entière, imaginons qu'un jour il y ait un leader de un président mondial, oui, mondial, 7 milliards d'habitants aujourd'hui, d'ici là on serait plutôt à 70 milliards, mais aujourd'hui imaginons 7 milliards avec la meilleure volonté du monde, il ne peut pas rencontrer tout le monde, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, mais si tant est qu'il soit le président toute la vie. Est-ce que gouverner c'est rencontrer? Non, pas nécessairement. Non, mais c'est toujours lié au peuple. Enfin, la définition même le dit, c'est que il faut quand même avoir l'avis des gens pour savoir si ce que l'on fait répond au bien commun. T'as des hommes politiques qui vont se réclamer du peuple et que tu vas pas plus voir dans la rue. Ah, mais ça c'est de la démagogie, c'est autre chose. C'est une posture, ça. c'est autre chose. C'est une posture démagogique. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus c'est grand, plus c'est compliqué de connaître tout le monde, d'avoir les besoins de tout le monde. Chacun a des besoins. Et le leader, il doit répondre aux besoins de tout le monde. Donc plus il y a de personnes, plus il doit y a de besoins différents. Et plus il y a de personnes, plus c'est dur de connaître les besoins. Donc c'est un décalage. Ouais, c'est un cercle vicieux. Hein. Voilà. C'est après, aussi pour ça qu'il y a des représentants locaux, intermédiaires, ouais. Voilà. Et pour démocratiser peut-être le fait politique. Alors là, justement, non, c'est pas pour démocratiser, mais non, c'est mais nécessaire pour eux, leur but, c'est de démocratiser le fait politique, dans le sens où rendre accessible la remontée de l'information ou le passage à l'information. Normalement, ça marche dans les deux sens. Mais ils n'ont plus leur rôle avec les médias actuels. C'est rarement considéré comme ça. Non, mais c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est là que c'est intéressant, c'est que théoriquement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Ouais, ils sont sauf là pour remonter jusqu'à Paris les... Ouais, mais sauf que dans nos sociétés modernes, c'est pas le rôle des élus locaux. C'est pas du... avec son. C'est pas du tout le rôle des élus locaux, hein, non, mais... de faire ça. En bah, normalement, les élus locaux. Bah, si, ton comme... député, oui, il a quand même une emprise locale. Mais c'est techniquement pas un élu local. C'est un élu national. C'est un élu d'État, mais il a quand même avec un ancrage national. Il a un ancrage local. Il est quand même élu au sein de, la, de sa circonscription. En France, il a un ancrage local parce que le mode d'élection. Un peu particulier, où on élu non pas une liste, on élu un représentant local. C'est peut-être ça qui nous sauve aussi. Alors, qu'est-ce que ce serait si on était dans... il y aurait encore moins d'emprise locale sur le pouvoir national, alors. Moins qu'il y ait tellement de différences territoriales entre des Bretons, des Vosgiens, des Marseillais, qui font que, de toute façon, tout ce peuple-là, tous ces députés-là, une fois qu'ils sont réunis à Paris... Non, mais c'est sûr que c'est compliqué. La cacophonie, on comprend plus rien. C'est sûr que c'est compliqué parce qu'il y a des différences. Il y a aussi beaucoup de points communs. Oui, il y a aussi beaucoup de points communs. Mais la remontée d'informations locales, elle n'a pas besoin de députés qui soient élus localement. Il y a besoin d'une volonté. Si un représentant d'État a une volonté, eh ben, il va nommer des personnes en qui il a confiance pour aller sur le terrain. Faire ce travail, il va déléguer. Mais j'ai bien précisé, il va nommer des gens en qui il a confiance. Or, le principe des députés, ce n'est pas des gens nommés. Au contraire, c'est des gens qui ne sont pas pour travailler pour le... les députés ne sont pas là pour travailler pour un président. Mais pour le peuple. Ils sont là pour le peuple qui représente. Et ils sont là justement pour... contrarier ou soutenir le président. Or, aller au contact de la population, c'est tout à fait un rôle tout à fait différent. C'est pas forcément la même personne qui l'a fait. C'est la représentativité aussi. On a l'Assemblée nationale, c'est ça, c'est la représentativité du territoire aussi. L'Assemblée nationale en France est une représentativité qui est faite comme ça. Dans d'autres pays où la 4e République, la représentativité se faisait totalement différente, elle se faisait sur des idées. Il y avait une liste de personnes qui avancent des idées, et puis on va voter pour cette liste, et plus la liste a de voix, plus ils ont de représentants, donc plus ils vont mettre en avant leurs idées. Donc on a une représentativité des idées. Moi, je défends plutôt cette thèse. En France, on a un système différent, où on va élire quelqu'un qui va représenter notre bout de territoire. Mmh. Et qui donc, de va fait... va défendre nos intérêts. Voilà, défendre nos intérêts, comme si les autres, ils étaient contre nous. Mmh. Je pense pas que les Bretons sont contre nous. Mmh. Je pense pas que les Marseillais sont contre nous. Il y a on a des un points manque de lien entre ils ont, eux. Ouais, ils ont toujours eu une dent contre nous. Oui, un peu, c'est vrai. Non, mais ça, c'est à cause de notre Mirabel dont ils sont jaloux. Il a connu. Ils ne peuvent pas les mettre dans les Kouign-Amann. Voilà, ça passe assez mal. Oui, on donc se fait voilà. Une petite pause, messieurs. Quelle heure il est? On en a fait 21h10. Combien de temps? Non, bon, ça va. Oui, une vingtaine de minutes. Ah, oui, choisis quelque chose de musicalement... Plus long. Intéressant. Non ah, intéressant. Non, mais de toute façon, il faut qu'on se débriefe sur les thèmes suivants. Non, moi, je voulais après qu'on parle de l'ermite dans tout ça. Le mythe de l'ermite. Le mythe de l'ermite, mais il y en a, on en trouve des ermites. On en connaît peut-être tous, là, chers Vosgiens qui nous écoutaient avec votre petite radio dans votre cabane perdue dans la forêt à écouter Radio Gémozo à une heure aussi tardive. Il y en a peut-être. Bah écoutez, vous qui nous écoutez, qui avez peut-être un téléphone portable comme seul lien avec la société humaine, je vous invite à nous appeler. Alors, j'ai plus le numéro en tête, tu le connais par cœur ? 03 29 62 40 40. Alors, éventuellement, vous pouvez nous appeler parce qu'on va parler ermite versus politique. À tout de suite. Tout un projet. A lonely sort of place, even for a boy's first embrace. Let me tell you, I'm out here from a very far away place. Oh, for a chance. us would be a star. Nowhere seems to be too far. We've played here and there for a while. I messed up, I got stuck on a bad piece of wire. Let me tell you, we're out here with a prayer and a style. All for a chance to be a star. Le débat des hauts. Sujet d'actualité, polémique, coup de gueule, on se dit tout. Ça, c'est Radio Gamozo. C'est reparti, on se retrouve avec notre ami PJ et notre ami Julien en face de moi. Comment ça va? Toujours. Nous avons de la très bonne eau de la commune qui nous correspond parfaitement à cette période de grande canicule. C'est impeccable. C'est de l'eau de la commune? Grande canicule, c'est un peu excessif quand même. Parce que, ah oui, c'est vrai qu'on est dans un local communal. Non, c'est de l'eau du toit en fait. Ah. T'as pas vu, il y a une infiltration et on met le verre. Société en... Et ben, ça va dans l'esprit alternatif. Oui. Ouais. très bien. Nous ne dépendons d'aucune eau qui n'est pas la nôtre. Voilà, c'est ça. On produit sa propre. La dépendance, non mais la dépendance. La dépendance en ressources. Parce que le rejet d'une politique va avec le rejet d'une société, parce que voilà, la société et la politique et la société. On a vu que la construction d'une société se faisait par la politique. Et c'est pour ça qu'on est tous emmerdés par la politique, parce qu'on est tous dépendants de cette politique. De cette société, bah oui, en beaucoup de choses, bien sûr. Donc c'est vrai, oui. Alors dans ce cas-là, allons à l'inverse. Si on était des ermites, qu'est-ce que ça donnerait? Je voudrais dire à BJ, il faut qu'il regarde que sur le micro. C'est pas, faut pas alterner micro et Julien, parce que ça s'entend. Ça s'entend. Moi, j'ai plus facile vrai, parce que je suis ça en face. S'entend. Oui, quand il tourne à la tête, ça s'entend. Il faudrait que vous vous mettiez les deux au bout. Ouais, peut-être. Ah, voilà. Donc, du coup, nous en étions sur l'ermite. Alors, l'ermite, par rapport à tout ça, le type qui est dans sa forêt, qui nous écoute avec son téléphone portable branché sur un panneau solaire. J'ai un peu de mal à me faire l'idée de dire c'est quoi un ermite. Finalement, moi, un ermite, je pensais que c'était un peu le gars qu'on va voir parce qu'il sait tout. Mais et a... puis on lui demande, quand on lui demande, c'est pas le sage, l'ermite. Non, mais l'ermite, il y a quand même un côté religieux, non ? Je confonds l'ermite et le sage. Il y a un côté religieux dans l'ermitage. Ouais, l'ermitage, parce que pendant longtemps, c'était un fait réservé aux gens qui voulaient faire des retraites, c'est-à-dire qui voulaient se mettre reclus. Alors, ça porte bien son nom, la retraite. Avec qui voulaient se mettre mobile, en dehors de la société. Voilà, donc ils voulaient porter leur idée religieuse en ayant le silence de la part de la société, en n'étant pas perturbés par le mouvement sociétal. On se mettait à l'écart, on pouvait se concentrer sur une chose qui était à l'époque la religion. D'accord, donc ça c'est l'ermite. Ça c'est l'ermite, oui, tout à fait. Et la retraite, tu me disais c'est... Bah, la retraite, il y en a encore qui en font aujourd'hui dans les couvents, dans les monastères. Ah, c'est le retrait. Ouais. On fait un retrait. C'est-à-dire qu'on peut aller vivre de manière volontaire avec des moines, trappistes ou bernardins. Faire de la bière. Oui, c'est ça que participer à la vie du monastère. J'entends trappiste, mais... je suis sur la bière. Moi. Bah voilà, mais participer à la vie du monastère et rester, faire le vœu de silence, prendre ses repas en simplicité et méditer en cellule, bien sûr. Alors, ça serait une vie de PJ que je ne connaissais pas. Non, c'est pas la mienne, je rassure. Bon, donc visiblement, on n'a pas d'amis ermites. Hein. Je n'ai pas encore d'appel au studio. Je réitère l'appel. Si un ermite nous écoute, qu'il le fasse tout de suite. Du coup, donc, est-ce qu'un ermite, on peut le considérer comme apolitique ? Ou au contraire, il est 100% autocrate dans sa république À lui seul. Conceptuellement, la politique, c'est une stratégie pour gérer une société, un groupe donc de personnes. Groupe, ouais. Quand on est seul, se serrer soi-même, on fait une politique avec soi-même, on n'est plutôt pas sur un concept vraiment de politique. S'il n'y a pas de société, il n'y a pas besoin de la gérer. Et du coup, la politique étant pour gérer la société, il n'y a pas besoin de société. Ça perd de son sens. Ouais. Voilà. On a de la politique à partir du moment où il y a deux personnes. D'une autre manière, on peut se dire aussi que c'est peut-être aussi voilà, le côté ermite, entre guillemets, cet exemple qui est à contre-rebours de ce que peut être la vie collective. À contre-rebours. Bah ouais, à contre-rebours, parce que c'est à l'opposé. C'est pas une légère redondance. Ouais, c'est pour souligner la chose. Et l'idée, c'est non que... En phase. Ou voir une double contradiction, une double négation. Une double négation, exactement. C'est un jeu politique aussi, une négation. C'est très utilisé dans la langue de bois. Et c'est peut-être aussi pour dire que, bah voilà, si parfois on prend pas un peu de recul par rapport à ce que l'on veut en tant que membre de cette société, on ne peut pas savoir réellement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que dans le flux permanent de ce qui représente une vie moderne, ça peut parfois être difficile aussi de réussir à faire la part des choses. On est assailli par les médias, on est assailli par l'information, comment faire le titre, enfin comment faire le tri dans tout ça, c'est quand même compliqué. Ça nous fait un autre sujet que je crois que j'avais noté. Oui, j'avais noté. Tu nous parles d'information. Hein ? Politique, information, presse. C'est quoi le lien qui lie ça ? Est-ce que toute société avec politique a forcément un média ? Un média, ouais, un média. Est-ce que... Alors, on va revenir... Chaque parti politique a son média. On va peut-être pas aller jusqu'à la Mésopotamie, mais on va peut-être passer par les Romains. Bah, la force de l'écrit ? Ne serait-ce que pour faire passer... Le scribe qui écrit... Bah ouais, voilà, les Romains, si on a encore tellement de traces d'eux, c'est parce qu'ils ont marqué dans la pierre énormément d'instructions, pour ne serait-ce que rappeler des règles de vie sociétale... Alors, les rapporteurs, c'était qui ? Ou les reporters de l'époque ? C'était juste des gens qui écrivaient sous ordre ou il y avait... Oui, sous ordre, à l'époque. Ah, c'était sous ordre. L'écrit était cadenassé. Voilà. C'est-à-dire que l'écrit appartenait à l'aristocratie. Donc, par définition, c'était pas quelque chose de démocrate. C'était quelque chose pour faire passer l'information donc décidée. Donc la presse est démocratique. C'était un organe... Mais voilà. La presse d'aujourd'hui est là... C'est un outil démocratique, voilà, ça vient avec des opinions, où chacun peut exprimer une opinion. Donc le fait que certains organes de presse sont donc obligatoirement politiques. Ouais, tout à fait. Eh oui, c'est le jeu de la liberté. C'est que certains peuvent prendre parti, d'autres non. Et ils sont un média. Il ne faut pas l'oublier qu'un média, son seul but, c'est d'être écouté, ou d'être lu, ou d'être distribué. Donc, c'est d'être accessible. Donc, d'aller intéresser des gens. Pour intéresser des gens, c'est facile de parler de politique. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours un lien de cause à effet. On a pris un sujet très facile pour essayer d'être écouté. D'une certaine manière, oui. On va peut-être faire un clientélisme en y prenant tout à fait, de manière inconsciente, ouais. De manière inconsciente, mais on essaye d'être tellement impartial que du coup, nos cibles potentielles... Enfin, voilà. Est-ce qu'en étant totalement Alors, impartial, c'est pas est-ce qu'on peut être intéressant aujourd'hui de non, parler... Attends, mais c'est intéressant. Neutre dans notre propos, est-ce que justement on se prive peut-être de plus d'auditeurs? Ouais, c'est possible. C'est possible, on peut partir, on peut peut-être dire que justement le fruit de ce que peut être justement un média moderne, c'est peut-être d'être politique. Parce que c'est de la facilité d'une certaine manière. La neutralité, ça plaît à personne. Chacun a un avis sur le sujet. Mais la neutralité, ça peut déranger. Et ouais, ça peut déranger, surtout quand on est, je sais pas, de n'importe quel bord politique et qu'on est habitué à côtoyer des gens qui sont du même bord. Alors entendre des gens à la radio nous dire que non, bah ils sont ni de l'un ni de l'autre, ni du milieu, ni de je sais pas quoi. Enfin nous voilà, le but de ce soir c'était vraiment ça. Ça donne un côté suisse. Ben voilà, nous sommes l'émission suisse. Les Suisses sont loin d'être neutres en beaucoup de choses, oui, tu sais. ont bien des choses. Mais en Suisse au sens conceptuel. Oui, j'entends bien l'image d'Épinal qu'on voilà, peut en avoir. Voilà, au sens d'image d'Épinal. Ouais, tout à fait, c'est le coin. Mais je pense que justement, ça c'est vrai, c'est peut-être justement ce qui a dénaturé autant la politique, c'est que comme la politique s'est immiscée partout, à aller dans les médias, à être disponible partout, c'est un bien de consommation la politique d'une certaine manière d'ailleurs. Un spectacle. C'est un spectacle vivant, mais c'est surtout aujourd'hui un bien de consommation. C'est-à-dire que nous sommes des acheteurs potentiels. On achète de la politique. On achète de la politique, exactement. On achète un bulletin de vote, on achète une personne. On achète. On va dire les médias se payent. Les oui. Médias se payent. On est avec Internet de plus en plus habitué à avoir du média gratuit, mais à la base tout média était payant. Mais tout média est payant, même Internet. D'une dans tous les manière. Cas, quelqu'un paye à un moment le salaire du journaliste. Hein. Il n'y a pas grand monde qui, de façon militante, va passer ses journées à écrire. J'aurais un doute sur ces textes. Non, je sais pas. Non, mais forcément, quelqu'un est payé dans tout ça. Il y a, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la politique est devenue un métier. C'est peut-être la différence avec pendant longtemps où c'était juste un gain personnel. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu carrément une carrière et un métier. Et c'est là où il y a une différence. C'est qu'à partir du moment où ça devient un métier et que ça devient un choix de carrière... C'est-à-dire qu'il y a une conscience du fait que ça devienne un des rouages d'un pays, d'un État, d'une démocratie, de la même manière que va l'être un plombier, que va l'être un informaticien, que va l'être un avocat. On choisit, voilà, je veux faire des études pour devenir politicien. Oui, surtout, on a tout de suite le côté gagne-pain. Ouais, exactement. Le gars est là parce qu'il a choisi ça comme métier, donc ouais. Pour gagner sa vie avec ça. Exactement. Pas seulement par conviction. Oui, c'est là la différence peut-être. Ouais. D'après, si on reparle de la 5e de la République... Normalement, dans un pays comme la France, les politiques ne sont pas censés être des professionnels. C'est pas censé être leur métier. Ouais. C'est une mission. Mais c'est le cas. C'est pas... Aujourd'hui, c'est le cas. À 100%. Et la filière s'est organisée autour. Depuis écoles de politique qui sont financées par l'État. C'est là le délire. À Sciences Po, oui. À Sciences Po, l'ENA, les écoles d'administration, la plupart de nos politiques en sortent et des mêmes classes. C'est ça qui est très fort. Ce sont donc des professionnels formés par l'État pour faire de la politique pour l'État. Ça devient compliqué. Je pense que ça fait partie des problèmes qu'on reproche aux politiques, hein, d'être trop dans leur métier. Parce que du coup... Ils s'accrochent pas au pouvoir pour des idées, mais finalement, ils s'accrochent à leur métier. Pour gagner leur métier. Et du coup, ça perd tout son sens du côté mission dans l'intérêt collectif. À partir du moment où on cherche à être élu parce que c'est notre métier... C'est la base de l'action pour soi-même. Tout à fait. Or, le principe noble de la politique, c'est de le faire pour l'intérêt collectif. À partir du moment où on ne le fait plus pour l'intérêt collectif, c'est qu'on ne fait plus ce qu'on attend d'eux. Enfin, ils font plus ce qu'on attend d'eux. Alors là-dessus, tu vois, je rebondis parce qu'on a eu quand même un exemple il y a moins de 5 ans en Islande où le peuple islandais, qui est quand même en Europe, c'est un peuple européen, qui viennent des Vikings. On a oublié de citer les Vikings, mais c'est vrai que les Vikings ont un parlement, un fonctionnement politique depuis très longtemps. Voilà. Ah, ouais. Et ils ont transféré ça, donc leurs contemporains les plus proches aujourd'hui, donc c'est les Islandais, qui sont 300 000 habitants. Et donc ils ont tout simplement dit. Lors de la crise qu'on a eue là, il y a maintenant depuis une dizaine d'années que ça s'étend, ils ont mis à out leur gouvernement parce qu'ils n'ont pas supporté le fait que leur banque soit mise sous tutelle ou que leur banque, leur argent ne leur appartienne plus au niveau de l'État. Et donc ils ont fait le choix en fait de mettre dehors leurs dirigeants politiques et de renommer toute une strate de membres pour gérer de politique, de gens pour gérer les affaires courantes venant de la société civile. Voilà, ils ont fait on renverse la table, on reste en démocratie. démocratie. Justement, la démocratie, c'est le fait de gérer les affaires courantes dans l'intérêt des gens et non pas pour avoir une place d'un pays par rapport à un autre. Il faut que ça soit un intérêt constant. Mais peut-être que ce qui leur a permis de faire ça et de réussir et de s'en sortir, c'est peut-être aussi le fait qu'ils aient, soient si peu nombreux. Ah, ça joue énormément, comme je disais tout à l'heure. Plus la société est grande, plus c'est compliqué à gérer. Donc 300 000, c'est un peu plus gros que, c'est moins gros que la Lorraine. C'est, voilà, c'est l'exemple c'est même de micro-démocratie qu'on a encore en Europe, qui survit, qui vit, qui a ses opinions, qui a ses manières de se développer, voilà. Alors peut-être que justement, c'était un indice sur le futur. Nos politiques nous disent souvent, attention, il y a les ultranationalismes qui remontent, les nationalismes locaux, et les localismes, comme on pourrait dire. Mais peut-être qu'en fait, c'est une transformation politique qui nous pend au nez. C'est-à-dire que le futur de la politique... Malgré le monde globalisé tel qu'on le connaît... C'est peut-être justement une réaction à ça. Pour avoir des meilleures décisions, pour avoir des décisions plus intelligentes, retourner à des cellules politiques de structures plus petites. Alors... C'est pas dans la logique de réduire le nombre de gens, clairement. Voilà. Mais peut-être de mieux gouverner le local. On en revient un peu aux logiques napoléoniennes. On avait créé des cantons, des départements, des régions, de manière à être sûr de bien structurer le pays et de mélanger le côté gestion politique, gestion administrative, gestion militaire, au plus proche des besoins locaux. Ce qui permettait de cadenasser et permettait à Napoléon d'avoir une vision européenne en disant au moins la base est saine, c'est géré au quotidien et je peux moi m'intéresser à la politique internationale et à mes visions internationales. C'est pas faux, c'est peut-être voilà, c'est peut-être une évolution, peut-être que dans un monde hyper nationalisé, enfin multinationalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est presque dans des gouvernements planétaires. Voilà, c'est des blocs et je mets mon billet que ces blocs-là continueront à voilà, on arrivera très certainement à avoir un gouvernement mondial un jour, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Un ONU ou un, enfin voilà, je ne sais pas quel nom sera, mais qui gérera les affaires mondiales et a fortiori à l'extrémité avoir plus de gouvernements locaux. Ça peut paraître complètement fou, mais peut-être qu'on reviendra à des duchés ou des choses comme ça. T'es quand même d'accord que la tendance actuelle, c'est de diluer les pouvoirs locaux pour les transférer au plus dans des plus grandes structures. Ah oui, la tendance, c'est de déléguer les décisions au Parlement européen, clairement. Mais d'un autre côté, c'est que plus on fait ça, plus on voit qu'il y a du refus local. Et plus on a de la montée de nationalisme. Et plus on a la montée de nationalisme. C'est aussi lié à la distanciation. Le Parlement européen a quand même bien du mal à prendre des décisions dans l'intérêt local, de tous les locaux. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a aucune région d'Europe qui va se reconnaître dans le Parlement. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils représentent tous équitablement ou est-ce que finalement, ils n'en représentent aucun ? Je te fais des signes pour que tu te redresses parce que tu es en train de t'affaler. Je suis en train de m'endormir, moi. On t'entend de moins en moins bien. Bientôt, il sera par terre. Mais oui, non, c'est intéressant. C'est justement ça. C'est, voilà, vers quelle projection on peut avoir, quoi. C'est, voilà, vers quoi on s'en va et puis vers quoi on a envie d'aller. Le fait politique nous appartient. Donc après, c'est à nous, citoyens, de savoir vers quoi on veut aller, quoi. C'est ça aussi qui est important. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut que les gens se réapproprient le fait politique. Pas dans l'application qui en est faite, mais dans l'idée, dans le concept même de politique. C'est important. On se retrouve de nouveau dans quelques petites minutes, dans 3 minutes 30 exactement. Et on va poursuivre ce magnifique débat dans quelques instants. Voilà, à tout de suite. We'll be right back. Nous revoici. Alors, on était en train de se tâter pour savoir sur quel pied on allait danser sur cette dernière demi-heure. On a voté en faveur de Monsieur Julien. C'est pas une démocratie ici. On a obéi, on a suivi. Hein. On est obligé. On a suivi notre leader. C'est quel Julien le leader? C'est toi. Oh. Le président. Surtout que j'ai rien dit. Non, mais c'était intéressant ce que tu disais là, hors antenne. Hors antenne, tu sais, ça fait très ici Londres, hein, tu sais, hors antenne. C'est vrai que ça, c'est. On sera bientôt 100% numérique, il n'y aura peut-être plus d'antenne, on passera que par internet, mais on dira encore hors antenne, je pense. Le sujet, c'était, tu me disais, le libéralisme. Et du coup, on va peut-être réfléchir aux différentes formes de politique. Enfin, alors, est-ce que c'est des formes de politique ou des courants politiques? Ouais, c'est plutôt des courants politiques, des courants de pensée politique. Et le libéralisme, tu étais en train de me dire que pour toi, parce que je considère que c'est déjà une opinion, à moins que ça soit une vérité, ou. Enfin, alors, voilà. Hein, une analyse. La nuance entre opinion, vérité absolue. Alors, c'était plutôt une sorte d'ultra-libéralisme. Il y a plusieurs courants politiques. Et on parle du libéralisme, capitalisme, bon, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Mais il y a une forme d'ultralibéralisme qu'on entend parfois qui se défend. Et quand j'entends ces gens qui le défendent, ça me fait penser à ceux qui défendent l'anarchie. L'anarchie, c'est on en parlait tout à l'heure, le rejet de toute politique. Et mon opinion, parce que c'est aussi mon opinion, est de dire que ben, ce n'est pas possible. Puisque naturellement, quand on est dans une société de quelques personnes, ben, il va y avoir des choix qui vont se faire. Et c'est déjà de la politique, c'est de la gestion de cette société. Donc on peut difficilement la rejeter complètement. Elle va revenir parce qu'à un moment donné, on va avoir à faire des choix. Et l'anarchie, c'est un rejet d'une gouvernance. Et il y a une certaine tranche de l'ultralibéralisme, c'est pas le cas de tous, hein, qui ont une tendance à critiquer fortement l'anarchie, mais tout en défendant les mêmes arguments, le rejet d'une gestion, d'un management. Mais à la place qu'il soit sur des individus, il va être sur des structures de société, des structures de société. C'est-à-dire qu'on va rejeter la possibilité de gérer, de réglementer l'industrie, l'entrepreneuriat. Donc on adapte. Sauf que la différence avec l'anarchisme, c'est qu'il y a quand même la notion de capital qui va rester. C'est-à-dire que dans l'ultralibéralisme, le tout est fait pour fluidifier et laisser en fait l'outil économique complètement dérégulé. Déréglementé, c'est-à-dire que c'est une idée de supprimer les règles. Ouais. Donc ça ressemble, c'est me faire rigoler parce que on n'en garde qu'une seule, l'économie doit fonctionner, grosso modo. Oui. Oui, mais c'est pas une règle, c'est un état de fait. C'est un objectif. Mmh. On cherche cet objectif. Alors que dans l'anarchie, il y en a pas. PJ, le micro est très loin de toi pour le coup. Je vais rapprocher. Voilà. C'est ça le problème de la politique, les micros s'éloignent tout seuls, ou c'est nous qui reculons. Mais parce que là, le libéralisme. Je parle d'une forme de libéralisme, c'est-à-dire le fait de sa façon vraiment extrême, où, parce qu'il y a le libéralisme où, de base, on a une certaine liberté. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Tu m'accorderas qu'il y a quand même le mot liberté. Voilà. De l'autre côté, anarchie. Oui, mais l'anarchie, c'est ça aussi. C'est quoi l'origine du mot anarchie? Tu la connais, PJ? Alors là, non. À mon avis, au début, ça devait être très certainement un rejet de l'aristocratie, parce que c'est pas tout jeune l'anarchie. Hein. L'idée de l'anarchie, c'est pas quelque avec chose. Monarchie, de... anarchie. Ah ben, Anna, ouais. C'est la négation, et ouais. Archie, je crois que c'est la hiérarchie. La hiérarchie. Je crois que c'est l'absence de hiérarchie, peut-être bien. Ouais. Ouais, je pense. Alors, je te vois chercher sur, sur Wikipédia. Je pense qu'on doit tourner autour de ce sens-là. C'est ce qui définit mieux le système. Moi, ce que j'avais vu, c'est que les premiers mouvements anarchistes sont nés à peu près en même temps que. Alors, ça peut-être rien à voir pour beaucoup de gens, mais que les mouvements libertins. Donc, c'était en fait un décadenassage d'un côté de la sexualité et de l'autre côté des faits établis par la hiérarchie qu'il pouvait y avoir au-dessus d'eux. Ça a été deux mouvements qui ont évolué sur des bases différentes, mais qui sont apparus en même temps et qui sont restés d'ailleurs, même jusqu'à maintenant, dans notre société actuelle, encore des choses qui sont communes. Donc notre gouvernement à nous, donc Wikipédia, dit Anarchie du grec. Ah bah voilà. Anarchia, composé du préfixe an, c'est le préfixe de privatif, donc absence de. Ça, on l'avait deviné. Mmh. On l'avait deviné. Voilà. Et de, alors là, c'est plus compliqué, c'est arché, c'est le pouvoir hiérarchique, donc comme disait PJ. Voilà, donc c'est l'absence de pouvoir. La monarchie, c'est le pouvoir à une personne. L'autocratie, c'est pas exactement la même base, mais c'est un pouvoir attribué à une personne aussi, mais de lui-même. Que la monarchie, c'est un pouvoir attribué à une personne par une entité divine. Donc le libéralisme, c'est juste la liberté d'entreprendre et la liberté. Alors c'est pas, voilà, moi j'ai plus l'impression que le libéralisme, l'essence du terme, c'est plutôt la liberté d'entreprendre que la liberté de faire ce qu'on veut en termes économiques. Ça dépend comment on le voit. Le bon côté des choses, c'est la liberté d'entreprendre. Le mauvais côté des choses, c'est la liberté, l'absence de règles. On fait ce que l'on veut pour que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que si on fait ce qu'on veut, ça veut c'est dire le libertin de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'on n'a pas de règles. Et on n'a pas de règles, ça veut dire que c'est la loi du plus fort, encore une fois. Donc on arrive un peu à la même chose. L'absence de règles entre les entreprises ou l'absence de règles entre les personnes. C'est là que je vais te dire la loi du plus fort, ok, mais la loi du plus fort, s'il est le plus fort, il a une certaine légitimité. Si l'autre est mauvais, écoute, on va pas se gargariser de la médiocrité ou. Ouais. Non, mais ça, c'est la logique qu'il y a derrière. C'est que le libéralisme, s'il n'est pas capé, s'il n'y a pas de limite, devient très injuste, du coup. Parce que quelqu'un qui aura les capacités y arriverait, quelqu'un qui n'aurait pas les capacités n'y arriverait pas. Tout simplement, oui. Faut qu'il soit capé, le libéralisme. On est tous, soyons honnêtes, on est tous dans des sociétés qui sont de plus en plus libérales. Pour autant, on les cape. C'est-à-dire qu'on leur met une limite. On leur dit, ça, on pourra aller plus loin. Non, stop, on dit stop. Il y a un moyen de fonctionner où il faut qu'il y ait un respect pour tout le monde de pouvoir y arriver. C'est toujours la difficulté de jauger, en fait, entre les deux. Mais on est tous, en Europe en tout cas, le modèle européen est un modèle libéral. Oui, parce qu'on cherche tous, moi je ne dis pas ça pour moi, mais tout le monde a quand même une haute estime de l'excellence, de la qualité, le meilleur produit, le meilleur profit. Julien, tu as une vision un petit peu limitée de ce problème. Je ne dis pas que tu as tort ou tu as raison, juste, on parle d'absence de règles. Il y a une règle qui existe en France, en Europe, aux États-Unis, dans bien des pays, qui est toute bête et qui est de prime abord, quand on nous l'a dit, qui est un peu bizarre quand on nous le dicte quand on est un peu jeune, et puis finalement qui devient évident quand on est un peu habitué. C'est le principe de vente déloyale. En France, comme dans bien des pays, l'Union européenne, les États-Unis, il est interdit de vendre à perte. Mmh. Il est interdit de vendre à perte. Alors l'exemple qu'on peut citer, c'est imaginons un boulanger. Il fonctionne bien, il vend son pain tranquillement, il a un fond de caisse intéressant parce qu'il a déjà vendu pas mal de baguettes de pain les 20 dernières années. Et du coup, il a un peu d'avance de trésorerie, donc il est fort. C'est pas parce que son pain est meilleur, c'est parce qu'il était tout seul. Mais la liberté, c'est d'autres personnes peuvent arriver. Donc un autre petit boulanger commence tout seul dans son coin, il a moins de moyens et il veut vendre son pain. Il est meilleur son pain. Si il n'y a pas de règles, de prime abord, on va se dire, oui, il n'y a pas de règles. Les gens vont naturellement aller petit à petit vers lui parce qu'il est meilleur et l'autre va devoir s'améliorer. Sauf qu'il n'y a pas de règles. Et donc l'autre va se dire, mais moi, je veux garder je veux rester ici. Je ne veux pas d'un concurrent parce que je veux toujours vendre mon pain. Et puis, je ne veux pas m'améliorer non plus. Pourquoi m'améliorer? Ça marchait. Il m'embête l'autre. Mais il y a une technique très simple qui existe depuis très longtemps et qui est interdite, qui consiste à dire « Attendez, moi, mon pain, il est moins cher. » On a de l'argent de côté et il va vendre son pain à perte jusqu'à ce que l'autre coule, tout simplement. Entre nous, ça porte un nom, ça s'appelle les grandes surfaces, hein, aujourd'hui. Je ne vais pas être trop polémique, mais ça ressemble beaucoup, quand ça, même. Ça, c'est une opinion. Non, mais voilà. Et donc, on a une règle très forte dans la société française, européenne, qui interdit cette pratique. Alors, elle est interdite sur les fêtes, il y en a qui arrivent à la pratiquer malgré tout. Mais ça, c'est... On est d'accord. On en revient quand même à l'excellence. Et donc finalement, le gars qui fait le meilleur pain, il va forcément cartonner plus. Et, oh, bah, et s'il fait du très bon pain pendant 20 ans, bah, il aura beaucoup de trésorerie dans 20 ans aussi. Non, parce qu'il n'aura pas réussi à commencer. À un moment donné, il faut qu'il arrive à en vendre un peu. Il faut qu'il arrive à avoir un peu d'argent pour manger. Et à un moment donné, au bout de 3 mois, qu'il n'arrivera pas à vendre ses baguettes parce que en face, il aura presque, il les donnera presque parce que lui, il peut se permettre de ne pas gagner d'argent pendant 3 mois, pendant un an. Et à côté, il n'a pas la fonte. Et donc, il va détruire. C'est une pratique qui s'est pratiquée énormément. Ouais. Le seigneur de fait, qui a réussi à imposer son règne, ne partage pas. Parce que celui qui arrive sur ses plates-bandes, qui fait mieux, eh ben, il se fait éviquer de façon très simple et par simplement absence de règles. Ouais. Entre personnes, ça s'appelle tuer son voisin. On a dit, il y a une règle qui nous choquerait qu'on l'enlève. On n'a pas le droit de tuer. Eh bien, dans une entreprise, on ne va pas... Enfin, si, il y en a qui pourraient le faire aussi, tuer. Mais on va juste le couler. Non, mais et c'est donc, on est obligé d'avoir une règle. Et si on enlève toutes les règles, eh ben, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas la loi du meilleur, forcément. Non, c'est la loi du plus fort. Et le mot que tu as utilisé tout à l'heure, le seigneur, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que si on regarde ce qui se passait au Moyen-Âge, c'était ça. Un seigneur, pour défendre en fait, voilà, ses possessions, n'hésitait pas, si jamais il se sentait endu pour récupérer des terres, à aller les brûler, à les détruire pour dire les récupérer. Les règles étaient celles que l'on fixait. C'était une vision politique de développement d'un territoire qui était liée à l'opportunisme. Et en hyper-libéralisme, c'est vraiment ça, c'est de l'opportunisme. Donc là, on irait vers, si on allait vers ce genre de choses, on irait vers une société où ce serait du chacun pour soi à fond. Là, c'est, voilà, c'est difficile de penser société, vivre ensemble, en pensant chacun pour soi. Puisque par définition, pour vivre ensemble, il ne faut pas être chacun pour soi. Hein, ça amène à des choses. Donc c'est d'une certaine manière de l'anti-politique d'aller dans ces extrêmes-là. T'es quand même d'accord que si le gars fait du super pain, il ne va pas s'empêcher de faire du super pain en pensant au risque que l'autre ait moins de clientèle. Enfin, voilà, la liberté d'entreprendre agit quand même. Parce qu'on n'est pas dans un système hyper libéral. On est libéral, tout court. Avec une société capée, avec des règles sociales. Mais si on était en hyper libéralisme, il a totalement raison. Traverse l'Atlantique, va côté États-Unis, tu verras, c'est de la terre brûlée entre les gens, hein. C'est peut-être pas totalement à ce point-là, mais il y a déjà cette notion plus western. Hein. Et pourtant, cette règle, elle existe aux États-Unis aussi. La vente à perte est interdite également aux États-Unis. Après, il y a quelque chose aussi qui est surprenant aux États-Unis, c'est par exemple les publicités comparatives. Ah oui, oui, ici, c'est très clair. Qui vont carrément dénigrer la marque concurrente en la nommant, etc. Oui, oui. Ça, on n'a pas le droit de en le fait, faire. En fait, ça existe. C'est possible en France de faire de la publicité comparative. Ce qui est interdit, c'est de faire de la publicité mensongère. Mmh. Et donc, dénigrer son concurrent, on peut se permettre de le faire seulement si c'est vrai, qu'on est capable de le prouver. Mmh. C'est tout de suite. Ça limite un petit peu l'intérêt de dire. Mais on a le droit de dire qu'on est moins cher que son concurrent. On a le droit de la publicité comparative. C'est très réglementé en France pour éviter des abus, mais le principe de base, c'est de ne pas faire de mensonges. On est très dans la politique économique, là. Ben, on y tombe d'une certaine manière, parce que l'économie, de toute façon, est un des buts, faut pas se voiler, de la politique actuelle. Donc, capitalisme, communisme. Allez, on y va, direct, là. On l'a dit au départ. Au départ, on a dit, la politique, ça a été fait pour permettre de donner un rôle à tout le monde, lorsque on a créé les sociétés, qu'on a créé les villes, et que l'on a pris des gens qui étaient employés dans les champs, qu'on les a mis en ville, qu'il fallait pas qu'il y ait de gens oisifs, qu'on devait donner des rôles. Donc, à partir de ce moment où on a accepté, que le politique a accepté cette mission que de donner du travail aux gens, dans notre société moderne, c'est quoi ? C'est exactement ce qu'on fait. On a un service d'État qui s'occupe de donner du travail aux gens. Et on a l'État a pour but de développer l'économie pour que les gens aient du travail. Parce que l'État ne pourrait pas vivre sans que les gens travaillent. Donc de toute façon, la politique et l'économie sont liées. Faut pas se voiler. C'est l'un et le frère de l'autre. Ce sont deux pieds sur lesquels il faut marcher. Et surtout qu'on a une société qui est basée sur l'économie. On ne connaît pas de société qui n'est pas basée sur l'économie. Il y en a peut-être existé, mais... Société moderne basée sur le troc, je n'en connais pas. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ça c'est sûr. On est d'accord. Non, mais malgré tout, dans le troc, il peut y avoir du profit, il peut y avoir de l'accumulation. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais le fait de démonétiser... une politique. Ce que ça va changer. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est que on est dans ces sociétés dans lesquelles on a virtualisé les échanges de biens, en passant par ce qu'on appelle une monnaie. On a dit telle chose vaut tant de monnaie, telle chose vaut tant de monnaie. Si je veux me l'acheter, je vends l'objet pour en racheter un autre, grosso modo. Et je passe par un tiers qui s'appelle une monnaie. Écoute, attends, un exemple. imaginons, il y a, dans notre société de troc, il y a deux fermiers. Mmh. Un fermier qui vend du poulet et l'autre qui vend du bœuf. Mmh. Le prix de la viande de bœuf, enfin, le coût de production du bœuf est plus élevé que celui du poulet. Mmh. Donc, je suis en train de me demander si celui qui va vendre du poulet va moins gagner. Enfin, le troc ne va pas être équilibré. Tu vois ce que je veux dire? Exemple, moment, le troc la voudra... La rareté du produit bœuf va faire que... Notre... Il faudra mettre plus de kilos de poulet pour réussir à avoir le bœuf. Donc il y aura une valorisation. Ça n'empêche pas. Il y a toujours une valorisation. À partir du moment où on a une notion de travail, il y a une valorisation. On sait combien vaut son temps. Donc il y a une valorisation du travail. Exemple intéressant. On peut imaginer qu'on a un fermier qui produit du poulet. Donc il peut manger facilement du poulet. On a un fermier qui produit du bœuf. Il mange facilement du bœuf. Mais on va changer un peu de nourriture variée. On va se dire, bah, je vais échanger du bœuf contre du poulet. On va échanger du bœuf contre du poulet, histoire de varier un petit peu les menus. En imaginant qu'il y a quand même aussi des légumes à côté, un accompagnement. Mais bon, peut-être pas. Peu importe, c'est un patates. Exemple. Des patates. Ou des patates avec des carottes. Et donc exemples. À ce moment-là, celui qui veut du les deux veulent goûter, enfin manger un peu de l'autre, et puis là ils vont commencer par négocier un échange. Alors il y en a un qui va dire, je t'échange un poulet contre un bœuf. Oui, enfin bon, t'es gentil. Très équitable. Hein. Très équitable. 2 kilos de poulet face à 2 kilos de bœuf. Ça semble plus équitable. Ah oui, mais le truc, c'est que le bœuf, malgré tout, c'est un peu plus compliqué à produire. Donc, ils décident et puis soit ils arriveront à trouver un truc équitable, soit ils arriveront, il y en a un qui se fera avoir. Mais... On en arrivera vite au cours du... Mais finalement, si t'as pas, si t'as de l'argent, c'est poulet, pareil. Hein. Le poulet slash le bœuf, quoi. On aura vite un cours. Qu'est-ce que dire? Un ratio entre les deux, c'est un cours. Mais ce qui n'empêche qu'à partir du moment où ce n'est plus lié à une monnaie, et où c'est lié en faisant une valorisation, mais hors monnaie, donc sans jamais passer par l'étape de la monnaie, on peut construire un système politique. Le truc, c'est que ce sera plus compliqué au quotidien, parce que ça voudra dire que chaque personne devra faire son propre cours par rapport à ce qu'il voudra prendre. Et c'est là où la monnaie est un outil de simplification, mais à double sens pour les politiques. C'est un média. C'est un média. Mais ce média est un média sous contrôle. Je rappelle que les monnaies sont faites par les États. Donc c'est un média qui est contrôlé dans sa quantité et sa qualité, et qui est imposé, donc qui est beaucoup plus facile pour récupérer de l'argent dans les caisses d'un État. Donc c'est un outil politique très puissant. Revenons sur ton idée, tu dis il y a un court poulet face bœuf. Oui. Mais imaginons par exemple, tu disais il patate, parce qu'ils veulent un accompagnement. On va simplifier les choses, il n'y a que la patate comme accompagnement. Aucun des deux n'en produit. Aucun de nos produits, puisqu'il y en a un spécialisé dans le poulet, l'autre spécialisé dans le bœuf. On dirait une bande dessinée de Lucky Luke. Maïté, bonsoir. Ça me fait plus penser à une bande dessinée de Lucky Luke qu'à Maïté. Et imaginons, les deux, en fait, ils veulent des patates. Et il y en a, ça tombe bien, il y a des producteurs de patates à côté. Donc, ils vont aller acheter des patates contre leur bœuf pour l'un et contre du poulet pour l'autre. Et donc, ils vont aller négocier des kilos de patates contre des kilos de bœuf pour un et deux. Et finalement... Après, quand ils vont s'échanger entre eux le bœuf et le bœuf, ils vont l'échanger peut-être comme des patates, parce que Nick avait acheté un peu trop de patates. Et puis finalement, la patate semble être une monnaie. Et finalement, la monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est jamais que ça généralisé et puis sur une base nouvelle. On n'a pas... Historiquement, c'était l'or. Hein, voilà, la base de référence. La référence, c'était l'or. Et après, ouais. Ça a été virtualisé, le terme voilà, est intéressant. C'est virtualisé. Avec une monnaie créée de toutes pièces, ouais, c'est ça. Qui n'a aucune valeur de référence, contrairement à l'or. Ouais. C'est une valeur fiduciaire, c'est le terme technique. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'une valeur que l'État lui donne et que les gens lui donnent. C'est-à-dire qu'après, on va fixer le prix de notre. On va acheter ça contre, par exemple, une monnaie, je sais pas, au hasard, une de l'euro. Une monnaie qui existe un peu dans le coin. Et donc, on va échanger ces kilos de poulet, de bœuf et de patates contre une monnaie qui fait référence, et puis on va pouvoir après échanger plein de choses avec des gens qui ne sont intéressés ni par le poulet, ni par les patates. Voilà. Et on va peut-être échanger par quelqu'un qui va vendre du loisir, par exemple. Donc c'est comme ça qu'est apparue la monnaie. Mais la monnaie, c'est quelque chose qui a été très très long à mettre en place, et il y a eu même beaucoup de difficultés, surtout la monnaie fiduciaire, d'ailleurs, ça a mis énormément de temps, parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de mettre ça en place, les gouvernements il y a quelques siècles, les gens allaient retirer... Bah c'est surtout qu'au début, on pense à Louis XIV qui était un très grand souleveur d'impositions et qui à un moment, à force de faire des guerres, s'est retrouvé, et puis a dépensé énormément, s'est retrouvé à ce qu'il avait pris et ce qu'il avait fait comme emprunt au niveau de l'État, du peuple et des pays d'Europe n'était plus garanti par la quantité d'or qu'il possédait. Donc c'est là où il y a eu les premières questions de se poser la création d'une monnaie séparée de l'or, parce qu'il n'y avait plus l'or. Donc on est passé du troc à une monnaie basée sur une valeur de référence, donc l'or ou autre chose, mais ça vous était l'or parce que c'est quelque chose de rare, donc ça donne de la valeur, à la troisième étape qui est une valeur fiduciaire complètement fictive et décidée par un bout de papier imprimé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc du coup, après, si on parle par exemple d'un système tel que le communisme, c'est difficile aussi dans le sens où on se dit que... Il y a obligatoirement une monnaie pour échanger, mais là, on partirait du principe que tous les biens soient accessibles à une valeur égale, quels que soient les gens, et qu'il n'y ait pas de richesse, entre guillemets, dans le produit. C'est-à-dire que le produit serait standard de manière à répondre à un but, nourrir. Donc il n'y aurait pas différentes qualités de poulet, il y aurait un poulet pour tout le monde, du plus pauvre au plus riche, et chaque chose serait partagée de manière égale entre chaque personne. Mais il y a quand même besoin d'une monnaie pour faire fonctionner. L'URSS, quand il était en place, avait quand même sa monnaie à l'intérieur. Même si c'était un pays communiste, ils avaient besoin d'une monnaie pour permettre de faire des échanges. On a moins de... 5 minutes. On a 5 petites minutes pour conclure notre soirée. Est-ce qu'on écoute un tout petit truc ou est-ce qu'on conclut ? Est-ce que là, il faut quand même qu'on arrive à conclure ? On va pas s'arrêter sur les poulets, les patates. Je vous rappelle que le sujet de la soirée, c'était la politique dans tous ses états. Là, c'est l'état financier. Là, c'est la finance. Bah, on a parlé de la finance, mais on a parlé aussi de son histoire. Et tu as rappelé quand même l'imbrication étroite entre politique et finance. Enfin, et finance et économie. Et économie, ouais. C'est clair. C'est clair, on peut difficilement séparer l'un de l'autre. Hein, faut pas se voiler. Hein. Aujourd'hui, quand toutes décisions sont prises au niveau européen ou américain, c'est les flux financiers. Hein, donc, les décisions politiques sont prises pour les flux financiers et inversement. Bon, flux financiers, on va surtout dire échange. Oui, c'est les échanges que j'ai en tête. Hein. Quand je dis flux financiers, c'est les échanges, parce que je vois ça sous forme de flux, moi, personnellement. Mais voilà, tout à fait. J'ai telle valorisation de tel métaux à te donner, ça coûte tant, je le taxe de telle manière, j'ai telle quantité de voitures à exporter. Ce sont des flux financiers qui sont définis de manière très administrative et qui, après, pour nous, ont des formes plus concrètes. Mais de manière étatique, ce sont des flux financiers. Hein. Faut pas se voiler. Hein. Et les décisions sont prises en conséquence. Hein. Julien, quelque chose à rajouter ? Non. Donc on va s'arrêter sur ça. Eh ben écoutez, s'il faut s'arrêter sur ça, on s'arrêtera sur ça, messieurs. Conclue, Julien. Non, je vais pas conclure. Non, mais moi, je pensais remettre une petite chanson et puis on dit au revoir. Et puis voilà. Eh ben, on peut faire comme ça. On fait comme ça ? Une petite dernière chanson. On réfléchit éventuellement à... Une dernière idée à lancer comme ça, comme une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer, tout à fait. Hein, c'est tellement poétique. Allez, je lance un dernier truc et on se retrouve donc dans 2 minutes 59 cette fois-ci. Pour conclure, pour dire au revoir. Pour dire au revoir, oui, tout à fait. I am out of this world, I unicorned up. I used to watch cartoons, eating corn puffs. All I hear about is bad bitches and four runs. Got away from the madness when exploring. What I found out's that I know nothing. I'm all alone on the globe, I was forced to call my home. Some of y'all for sure not as pure, cause y'all be clones, but it's cool. I got something rolled up and it's killer. Squad up, spark up, scheme on a million. Blueprint, how to deviate through the minions. Cause nowadays living under five and fulfilling. Yeah, no, I don't prefer anything in my eye for my vision to blur. Not to say that real shit won't occur. Just know no matter what, gotta stay who I were. Got faith, go. That's about it. Everybody plug with nobody outlet. Beat to the streets cause I be grounded. And I'm so bright that I can't be outlet. See, I got more to get than a day-to-day paycheck. Mad at a human on a day-to-day basis. So much that I wanna say to their faces. But I changed my mind, all I need a new spaceship. I'm a star, just drifting in the space. Oh yeah, off the map, but I feel some kind of way. Oh yeah, couple scars, but I'm feeling a fake. I'm out. straight out the box. No new friendships, I want a yacht. Shit that I think when I'm on the clock. Don't say nothing to me when I get off. Trying to keep the mind frame for the right things. Life is a red, I keep my Z. I'ma get the whole pie kicking, I sing. Taking no pause, now let's make a nice ring. Don't it obstacles in the way. Pray your hands, meditate. Nowadays, that ain't nothing new. Keep the faith, fuck the fake. They gon' change, stay the same. Cause that makes them uncomfortable. Et ouais, bon bah voilà, ça se termine. Quelle heure il est ? 59, on a 20 secondes. 20 secondes de conclusion, Julien, vas-y. Bah, quel Julien ? Mais si c'est pas moi. Mais j'ai envie de dire, dans 4 semaines. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un plaisir d'essayer d'en discuter. Après, ouais. Se poser des questions par rapport à la politique, je pense que c'est intéressant. Ça appartient peut-être à tout le monde de se faire sa propre conscience sur la définition de la politique avant de parler de l'acte politique. Voilà. J'ai bien essayé de distinguer les deux pendant tout le cours de la discussion. Il y a l'acte politique, et puis il y a surtout la politique tout court. La politique tout court, ça attaque à la philosophie, ça attaque à l'art de vivre ensemble, ça attaque à l'économie, à ce qu'on veut faire de soi et de sa vie. Et puis il y a de l'endroit où on veut que ses enfants vivent dans le futur. Donc c'est quand même des choses qui sont quand même importantes et fédératrices. Voilà. Ça, c'est une belle conclusion. C'est... On va rien rajouter à ça. Il est 22h00:30. Donc, on va s'arrêter là. À dans quelques semaines, du coup. Combien de semaines ? 4 semaines. À dans 4 semaines, chers amis. Et voilà, passez de bonnes semaines. Ou une bonne nuit. Une bonne nuit. Une bonne nuit, déjà. Tu vas peut-être pas les border non plus. Hein. Une bonne nuit. Donc on rend l'antenne, on met un petit peu de musique si on traîne 5 minutes. Il y a Rock à la Casbah, je crois, 23h. 23h, Rock à la Casbah. C'est qui l'animateur ? C'est pas une émission produite dans les studios de Rudy Gomezo. C'est pas Radio Gomezo ? C'est une apport d'une autre radio. D'accord. Okay. C'est un échange avec une autre radio. Ok. Bon, on va mettre un peu de musique, mais l'émission touche à sa fin. Et on vous souhaite donc beaucoup de choses, de bonnes choses. Allez, à bientôt. Et ça manque de dynamisme, cette petite fin. J'en reviens derrière JP. À plus, bye.